bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. Des chips. T'entends ? Les décaps. Des cours entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci inspecteur Gadget. Genre du GHB ? Non, putain. Là tu vois c'est... T'as le clavier devant toi et tu te retiens tout. Allez viens. L'eau. Je flingue deux intros. La levure. Le malt. Le houblon. Voici les quatre éléments de base pour faire une bière. À cela, on peut y ajouter des épices, des fruits, du sucre et même de l'alcool pur. Tous ces ingrédients permettent d'obtenir une large diversité de bières, allant d'un jaune très clair au noir opaque, d'un peu moins de 1% jusqu'à 70% de volume d'alcool. Ah oui. Nous vous dirons que chaque bière que nous avons bu est bonne. Sauf les bières de l'Oktoberfest, qui sont de la glace. Elle est con. Mais j'ai mis les bières de l'Oktoberfest. Gandalf 81 montait un parti politique voulant regrouper les poudriers de sa même flux. Il se renomme à cette occasion Gandalf 88. De son côté, Gasto, fidèle à lui-même, nous a fait voyager dans le pays du soleil levant, à coups d'animés et de mangas. Azertov a pour une fois préparé une introduction, un quiz et un dossier thématique. Du coup, s'en sortira-t-il dans les temps ? Et qui sont ces deux personnes ? Mais oui, mais qui sont ces deux personnes ? Excellent ! Oh merde. Ah mais t'as tué le game ! Ah t'as tué le game ! Ah l'autre, il dévoile tout dès le début. Alors du coup, pour info, c'est le générique de début et le previously de Legend of Korra. D'accord. Enfin, même... Ah ouais, il a fait vraiment une thématique. Ah ouais? On va voir le quiz. Ça rigole plus. Hein. Non, fais pas qu'on fait pas. Hein. Ouais. Donc, je suis toujours en compagnie de Asto et de Gandalf 81. Yep. Bonjour à vous. Et de nos deux invités, enfin, invités deux entre guillemets, parce qu'il y en a un qui est moitié sociétaire. Putain, au bout de deux émissions, je suis sociétaire. Putain, j'ai nickel gagne. Donc, vous avez d'habitude reconnu la voix de Tocheux. Adi Schatz. Donc, du podcast Roule avec moi. C'est ça. Et son comparse Jonjon. Oui, toujours en déplacement avec nous. Je tiens le deuxième épisode pour l'instant. Ça, ça, c'est vrai que le premier, il était quand même... Ah, je m'en suis pris partout. Là, tu m'étonnes, t'as Gandalf à côté de toi en plus. Ah, je vais m'en souvenir. Hein. T'as pris la bâche. Heureusement que tu n'as pas avec lui. Il y a pas la bâche. Donc, au programme de ce numéro fort plaisant, donc c'est bien houblon, un dossier... Des quiz, des dossiers, des questions, des de trucs la avec des points d'interrogation. Voilà. Et une petite musique à la fin. On verra si c'est toujours thématique. Oh. Donc on est normalement toujours diffusé sur Pod Radio, même si on a explosé le compteur temps, mais je crois qu'on est sur un créneau de 3 heures. Quelques, donc on est large. Ça devrait aller. On est large. Ouais. Le 30 mars et le 1er avril, à Rennes, se passe bien évidemment Pod Rennes. L'événement pour quelqu'un comme ce mix, non ? C'est ça. On va bien rigoler, surtout dans le off, mais pendant le... On va rencontrer plein de gens. Qu'on connaît plus ou moins ou pas forcément. Mais ça, c'est pas une barrière, c'est justement l'avantage de ce type de réunion, c'est qu'on rencontre des gens qu'on connaît pas et qu'on prend plaisir à découvrir. Donc vous allez retrouver toutes les infos sur podren.fr. Donc pour pouvoir voir le programme, les invités, les personnes qui s'y rendent. Est-ce qu'il y aura des invités? Et eux? Bah, je sais pas. Donc rendez-vous sur Podren pour avoir les informations. J'ai 81. Et on va commencer tout de suite, parce qu'on va faire une intro assez courte, un peu comme la bite à Gandalf. Voilà. Non, mais c'est bien parce que ça m'évite de la faire. Parce qu'après, on va croire que je fais une fixation dessus et on va se demander. Il y a la bite à JK, maintenant on a la bite à Gandalf. Tu l'aurais dans la bouche, tu dirais moins de bêtises. Donc on va passer, c'est bien ou blond. Ah. Pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, non, vous fuyez, les gars ! Et je vais donner le décapsuleur de la destinée à... j'allais dire oui, mais pas du tout, à Asto. Oui, il nous a lâchement abandonné. Ouais. Quel connard. Non, mais il faut faire du name dropping. Donc, s'il te plaît, je ne suis pas un putain de métalleux. Ouais, lui il respecte la famille du métal, la grande famille, parce que ça existe pas, c'est que des putains de consanguins. Oh putain, oh, c'est moche. Donc, en référence quand même à We Wish, qui aime bien sa bière Big Boy, là, moi j'ai pris une Bad Boy. Est-ce que c'est une référence au film et à Will Smith? Non. Je ne sais pas. Phil Smith. Donc Bad Boy, c'est une IPA, donc on va voir ce que ça donne. Pas plus d'informations, le drograge, tout ça, touche mobile. Ah, 7-3, y a pas de précision par rapport à la touche mobile, interdit à la madame qui a un gros ventre, et on peut la lancer et ça fait plein de flèches a priori. Donc en fait cette bière est grossophobe. Grossophobe. Non, les femmes avec un gros ventre. Elle est ce qui est bien c'est que d'un mois sur l'autre t'es égal toi. Élaboré avec Jean-Luc Thunevin. La Bad Boy IPA est une bière singulière. De caractère aux arômes rock'n'roll, dégustez-la et réveillez le mouton noir qui sommeille en vous. Black Sheep. Très bon film, Black Sheep. Moi j'étais resté sur la série, mais je crois que j'en avais déjà parlé quand j'étais venu la dernière fois. On est sur quelque chose de beaucoup plus sombre que l'épisode d'avant quand même. Ah oui, que la pisse. Ouais. Ah bah oui, là. Là, c'est, là on est limite grand écart, fais gaffe, mais tu vas faire ventouse hein, à ce niveau-là. Par contre, c'est joli, c'est beau à voir. C'est une jolie IPA. Ouais. Je pourrais sentir. Parce que. Ça sent l'IPA. Toi, t'es fétichiste du nez, c'est pas possible. Sans moi-ci. Allez, je vais pas m'emmerder, je vais passer le. Ah, effectivement, oui. Le décaps virtuel juste à côté de moi, à ton cheveu. Ouais, virtuel, parce que forcément, comme d'habitude. J'ai toujours le mien. Donc, nous, on est sur une. Alors j'ai été troublé, parce qu'on me l'a vendu pour une danoise, donc effectivement toute la distribution a l'air danoise, et juste en dessous on a marqué Product of Belgium. Donc c'est une Mikkeller Crooked Moon d'IPA. Crooked Moon ? Yep, oh putain, pire. En plus ça traîne au fond, hein. Je vous dis pas, il y a des morceaux au fond aussi. Elle est vivante. Ouais, je pense qu'elle doit être bien vivante. C'est je crois qu'il y en a qui commence à avoir la casquette. C'est une Imperial APA. On m'a défracté, je pense. Comme si t'avais besoin que de ça. Hein. Donc ça a l'air joli. La présentation est sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'étiquette. C'est, c'est multicolore. De toute façon, vous verrez ça sur la photo du podcast. On va faire couler ça tranquillou. Ah, il y a une belle couleur déjà, c'est... Une belle dorure. Ouais, c'est d'un jaune diabétique, j'ai envie de dire. Diabétique. Celui qui a pissé là-dedans, franchement, j'aimerais pas être dans sa peau quand il passe ses analyses. Surtout avec les morceaux. Ah oui, les morceaux, ouais, oui. Il y a vraiment de la levure. Il y a plus de morceaux que moi le matin quand ouais, mon slip. Il reste de la levure, donc celle-là, on va la laisser poser parce que... T'aurais pas pu la servir en entier, en fait. À mon... Ouais, non, c'est pas ah vrai. Non, mais le gars il a fait plus que pisser dans ton verre. On est d'accord. Là, il y a c'était une gastro. On est d'accord. Il y a des calculs. Après, ce qu'il faut savoir aussi sur la Mikkeller, c'est qu'il n'a pas de brasserie lui-même. Il fait que des collabs. C'est fruité. Ouais, oui, c'est non, mais les Mikkeller, franchement. Regarde, la levure reste en suspension, ouais. C'est dense hein, comme ouais, truc. Je suis sûr que Loli approuve ce message. Ouais, je pense que Loli devrait aimer. Elle est dalle, c'est pas le mot. Je pense que Loli devrait aimer. Après, connaissant Loli, à mon avis, il doit connaître aussi. Oui, bah, Mikkeller, il connaît forcément. Après, celle-là, peut-être pas, mais... Et franchement... Ouais, c'est celle-là, je vais la laisser tomber. Et puis, une fois qu'elle sera bien reposée, à mon avis, vous m'entendrez plus parler. Elle est si faite. On dirait du jus d'orange, quoi. C'est énorme. Regarde, ce siphon que ça te fait au milieu, là. Mais je crois qu'il est pas parti. Ouais. Il m'a dit que... Avec la pulpe. Allez, attends. Donc ça c'est fait, on a assez déblatéré sur la bière danoise. Je passe soit le décapsuleur virtuel, soit les clés de la Tocho Mobile avec le décaps à. Tiens, au petit nain là-bas. Tu donnes les deux. Tant qu'il est encore vivant. Bah, t'en as jamais trop, toi, de toute façon. Hein. De quoi? Quoi? T'en as jamais trop dans les mains. Hein, Non, il a pas l'habitude d'avoir autant dans les mains. Le choix. Non, mais je crois que le tout, il veut pas partir parce que il me dit qu'il est déjà parti. Tu vois, comme quoi. Bah ouais. Bon, comme quoi, quand on veut pas, ça veut pas. Bon. La dernière fois, en fait, il y a eu gros mensonge. Il dit je m'excuse devant toute cette honterie, devant tout ce que j'ai menti devant nos auditeurs. En fait, j'avais dit que j'avais fait le tour des Corsaines, donc à peu près. À peu près. Il y avait que la 11.11.11. Elle était sortie le 11 novembre 2011. 11, que, oui. Que j'avais pas pu goûter, oui. C'était là. C'est la 11. Ah oui, non. Ah si, je crois que c'était ça. Hein. Et j'avais dit, je crois que j'en avais fait à peu près le tour des trouvables. Voilà. Sauf que l'espoir vivant, étant passé à autre chose de la brasserie qui s'appelle. Il n'y a pas le nom d'ailleurs, là, c'est pas l'en cacher. Là, ils ont pas mis le nom, je sais plus le nom, c'est la batterie du. Si, du Bouc, truc comme ça, du Bouc. J'étais passé au Gauloise, tout ça, etc. Même la bière, ce que je devais amener là-bas, c'était même la bière presque Jackie et Michel. Parce que la bière Jackie et Michel est faite par la brasserie du Bouc, celle qui s'occupe de brasser la Corsaine donc. Et cette fois, eh ben, miracle, la Corsaine donc Gold Trip est arrivée en magasin. Ah! On avait déjà eu la chance de la goûter en pression, elle était pas mal. 9,7 hein, quand même. Hein. Donc autant vous dire que ça va, on va être tranquille, on va être pépère, on va être pépouze. Et cette fois, décapsulage. Ah, pistache. Pistache. Elle est belle, pistache. Et là, c'est parti. Un décapsulage comme un autre. Putain, tu vois, il n'y a rien sur ça là. Il n'y a pas de restriction, il n'y a, pas de recyclage, il n'y a rien. Tiens sur la mousse. Ah mais Gandalf, quand il mousse, c'est pas bon signe. Ta mousse de baise avec moi, c'est radical. Gandalf, quand il commence à mousser, c'est pas bon signe. Ah si. Hop, hop. Allez, mais y tout. Mais y donc. Mais y tout, tape dans le fond. Je suis pas ta mère. Mais y tout, ça rentre. Oh, ça rentre, c'est bon ça. Et voilà. Non, c'était ma Corsaine donc triple gold. Je vous la recommande de Damas parce que j'ai déjà tes goûts. Bon, impression donc ça part tout à fait. Ah, mais celle que j'ai failli prendre hier. Ouais, et donc je fais. Je passe à Jean-Jean et je passe aussi le limonadier pour choisir. J'apprends la touche. Merci. Ah, la touche. Ah oui, par contre, moi la mienne elle est visiblement elle est recyclable. Hein, et par contre, Polychinelle Woman, non. Ouais, et moi juste parenthèse, il n'y a aucune indication, il n'y a pas de restriction pour madame qui a un Polychinelle. Tout passe dans la Tocho Mobile et c'est apparemment c'est même pas recyclable. Tu crois que le bébé, les petits débris qui flottent là, ça veut lui plaire? C'est polichinelle. Ça nourrit. Ouais, oh, ce qui te tue pas rend plus fort. Hein. D'accord. Ouais, ben moi, bonne nouvelle, c'est pareil. Bonne nouvelle. La voiture et les femmes enceintes, c'est nickel. C'est une Ixon IPA et elle est à 6,2. Qui vient du Québec, semble-t-il. Québec? Ouais. Avec un nom comme ça? Ben, visiblement. Alors que c'est lors d'un voyage en Angleterre en 2001 que Nicolas et Mathieu s'arrêtent dans un blablabla. Bla bla. Mais ouais. Qui s'arrête, nous on va continuer. Ouais, alors le blablabla, bla bla, ça me fait très penser à Hate Fairy Lake. À Hate Fairy Land. Mm. Par contre, la bouteille est jolie. J'aime bien la forme. J'aime beaucoup. Ah, donc, on a fait une session blonde. Un parasto. Oh. Enfin, jusqu'ici, pour l'instant, c'est plutôt jaune. Bien long, ouais. Assez clair. bien mousseuse. Mais sinon, t'as qu'à goûter, toi aussi. T'as qu'à pas nous attendre. Je voulais. Ce soit fort. Ça m'a... Ah, putain. Ce soit fort. Et maintenant, je vais passer le décapsuleur à nouveau au chef. Notre maître de maison. Ouais. Donc moi, j'ai une bière qui est locale, une craft beer de la brasserie Garland. Je crois que plus près, on fait pas mieux. À Montaillotte, peut-être. Ça quand même plus près que ça, quand même. Qui est ouverte tous les jours, sauf le vendredi soir. Non, ça c'est la brasserie Margot. C'est une brasserie. Ah putain, j'ai un mois de retard. Donc là, c'est une Garland bière bio de pays Malte fumée à la tourbe. Ouf. Pour l'avoir déjà goûté, je peux vous dire que c'est une tuerie. Alors, il y a marqué que Ariane nous dit tu vas ouvrir. Mais c'est pour une jeune fille. C'est pour Pépé qui a dit dans le chat. Tu vas l'ouvrir dans la salle. Il allait s'ouvrir une petite punk IPA, du coup. Ah oui. Moi, j'ai rien contre les petites punks. Donc, la Garland au malt fumé. Tourbée. C'est tourbée. Donc, la Tocho Mobile, elle a droit. Mais la Madame Enceinte. Elle a pas le droit. Bah c'est pas grave. Alors, TTR va caler une chine direct. C'est pas grave, la madame qui est pas encore enceinte, elle vient dans la Tocho Mobile et après on s'explique. Et après elle devient enceinte. Et voilà. Comme ça, elle fait d'une pierre deux coups, elle en profite. Avec ou sans rapport du coup Évidemment. Toi, si tu rentres dans le détail, déjà on va pas être copains. Hop. Mmh. Oh, je peux vous dire que ça sent bon. Mais jusque-là, toutes celles qu'on. J'allais dire toutes celles qu'on a allumées, oui, un petit peu. Elles avaient un bon nez, hein. C'était sympa. Ouais. Les fruits, il n'y a rien que ça devrait. Les fruits. Non, je n'ai que ça en verre. Ah, d'accord. Ah. J'ai eu peur. Même moi, avec le soleil, je lis mieux que vous. Ouais. À force, calmez là, parce que. Marat, je fais des rayons laser contre les murs. Écoute, une lèvre rubis, c'est bon. Hein. Ah oui, après, c'est pas mauvais, une lèvre rubis. Hein. De temps en temps, ça rafraîchit un peu. Ouais. Nous, c'est ce qu'on fait en premier jet à la sortie du roller. Premier G. Pour la soif. Ah oui, l'œuf rubis pour la soif. Ouais, après, on passe G. à la triple. Premier G. En premier G. Rituel. La rituelle, ouais. Vivement la mousse de baisse. La rituelle, la neuf, direct. Ouais, c'est la rituelle et la. Par contre, si vous ne pouviez pas trop choquer ma chope, hein, histoire que les levures ne remontent pas. Ah bah non, c'est bon, à mon avis. On va y aller tranquille. Parce que j'ai faim, mais bon, à ce niveau-là. T'as une belle mousse, mon Jean-Jean, ça va faire plaisir à Gandalf. Il va être content de trinquer avec toi. T'as une belle mousse. Faut pas croiser les effets. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai trinqué avec la petite poire, on va en boire. J'ai trinqué avec la poire aussi, allez hop. Ah oui, ben là, du coup, je peux boire maintenant. Un cognier, on a aussi en réserve, petit jeu de mots, bouteille de page 24 réserve Île-de-Garde pour ceux qui brivent la gaillarde. Pour ceux qui auront fini leur bière, ils pourront attaquer celle-ci. Et on a également une autre bouteille, mais ça, on va laisser le plus concerné en parler, peut-être. Je sais pas, ouais, bah, la tourbée, je sais pas si quelqu'un veut ouais, c'est pété, ouais, que je vois. Bah, vas-y, mais elle goûtez-vous est... parce après que toi. Moi je veux la. Je elle est assez quelqu'un veut goûter la dernière. J'imaginais beaucoup, j'imaginais brune en fait. Non, bah, c'est tu fais tourner après si tu veux. Oui. Ah, Rivan a ouvert une bim avec le décapsuleur. Ça c'est bien, ça c'est bien, c'est bien. Mais c'est bizarre qu'elle soit aussi claire la tourbée en fait. C'est le mec qui a été tourbé, du coup. Oui, non, mais c'est. Par contre, le tourbé, on le sent bien. Ah oui, tu le sens. Et en goût, c'est un goût terreux aussi quand c'est tourbé. Toi, tu crois que tu l'as, non, la touché. Ah putain, ouais. Tu la mettrais plus sèche. Je sais plus qui la bière à qui. Ça ferait une liqueur. Qui veut goûter la personne Moi, la mienne, je la reconnais. Moi, tu regardes au fond, tu sais que c'est la mienne. C'est comme Gandalf quand tu regardes dans son slip. Moi je reconnais mon slip, ça c'est à moi. Quand ça. Tu cherches un caleçon, tu regardes au fond, tu sais que c'est à Gandalf. Ouais. Par contre, rince-toi le palais avant. Rince-toi le palais, le nez palais. Alors tiens. C'est quoi ça? C'est à qui? Prends-toi un peu. Ça va être la mienne. Si tu veux avant. Elle est. Ouais. L'odeur est particulière. Bah, celle qui mousse, c'est à Jean-Jean. C'est très. Ça fait passer à quelque chose d'autre un peu. C'est ton Irish Stout. L'odeur. Non, la soupe, c'est peur. Quelque chose d'assez un peu acide. C'est rigolo. Non, c'est bien ça. Ça a l'air. C'est sympa, ouais. C'est bon, alors. Dis donc. Ah oui. Ouais, ah oui. Il y a un goût, c'est particulier. Voilà. Pas mal. Ouais, c'est fruité. C'est particulier. C'est vachement fruité, quand même. Ouais. Donc, après, on a quoi? On a ça? Après, on a ouais, une bouteille de vin que Torche nous a ramené. Donc, je vais présenter sa bouteille. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a présentement ? Présentement, je vous ramène quelque chose que j'ai vendangé. Alors, je sais pas, sûrement que ce qu'il y a dans la bouteille, il y en a une partie qui a été vendangée de mes mains. Je vous ramène ça du Bordelais, de Fronsac. Mmh. Et plus précisément de La Rivière, de chez monsieur Yannick Chassat, qui est propriétaire d'une parcelle de 2,5 hectares de, alors que je vous dise pas de bêtises, le cépage c'est du Cabernet Franc à 80% et du Merlot à 20%. Mmh. Et ça s'appelle le Clos Pipeau. C'est un Clos Pipeau, PIPAUD. Et c'est issu d'une culture biologique non certifiée. Donc j'insiste bien sur le non certifié. Pourquoi ? Pas parce que j'ai l'esprit de contradiction, mais parce que ces gens-là, dès qu'il s'agit d'obtenir une certification, ils arrivent avec leurs gros sabots, leur belle blouse blanche, et ils vous demandent du pognon uniquement pour faire un prélèvement et vous le certifier. Donc ces gens-là, bah, j'ai tendance à dire comme Yannick, hein, qu'ils aillent un petit peu se faire enculer. Le vin, nous on sait comment on le fait, on sait comment il faut le boire et on sait comment il fait plaisir, on sait comment il plaît ou comment il plaît pas. Les gens ont le droit d'avoir leur goût. Il n'a pas forcément besoin d'être certifié, il suffit de faire confiance aux gens. Et ben voilà, c'est un petit 2015, c'est pas forcément une des meilleures années parce qu'il titre fort, hein, il est à 14 degrés quand même. C'est un vin qu'on a sorti de cuve, il était à 16 degrés déjà, donc il a réussi à baisser tout doucement. Et je voulais vous en faire profiter parce que c'est ce que j'ai eu comme, oui, on va dire comme récompense pour avoir vendangé depuis 6 ans et notamment la semaine dernière pour les vendanges 2017. Qui s'annonçait difficile parce qu'on a eu une grosse période de gelée. On pensait avoir des pertes de... Enfin, Yannick pensait avoir des pertes de 90 à 95%. Donc il pensait sortir 5, 10 hectolitres et se diriger vers une production de rosé. Finalement, on devrait sortir autour de 30 hectos. Mmh. Ce qui est déjà plutôt une bonne surprise, donc on va continuer, il va continuer, pour, je sais pas pourquoi on dit, je dis on à chaque fois, il va continuer sur une cuvée classique en fût, et je voulais vous en faire profiter, et c'est ce pourquoi je vous ai amené ça aujourd'hui. Tu le sens bien le mal de crâne. Voilà, la petite info commerciale, c'est que normalement la bouteille elle est à 6 €, mmh. le 75, donc vous comptez, c'est des cartons de 6, 36 €. Bonne gamme. Je veux pas être parti pris, mais c'est quelque chose qui mérite le, au moins d'être goûté. Voilà, ça a le droit de pas vous plaire. Tous les goûts sont dans la nature, moi les gens je force pas. S'il y en a qui veulent les coordonnées, ils me contactent en MP ou ils font suivre via les copains de l'apéro original. Et puis je vous mettrai en relation et puis s'il faut même vous les faire parvenir, je vous les ferai parvenir. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et si ça vous plaît pas, vous savez où est la porte. Hein. Je vais pas changer. Je suis resté le même. Du mais il n'y a pas de raison. Même si on l'ouvre pas, est-ce qu'on va présenter la bière que Jean-Jean nous a... La bouteille que Jean-Jean nous a ramenée. Il va présenter. On va l'ouvrir. Parce que de toute façon, on va l'ouvrir. Donc, Non, parce qu'après, il n'y a plus assez de bière. De bière, putain. Ah non, mais moi, j'ai ce qu'il faut. Tant pis, c'est pas grave, on boira directement la bouteille. On va sacrifier le verre à eau. Ouais. T'as un verre à eau ? Oui, pour le... c'est mon foie qui m'a dit prends un verre à eau, ça peut toujours faire. Ah oui, toi, oui, c'est le verre à poire. Nous, c'était le verre à poire. Donc, Jean-Jean, on t'écoute. Eh ben, j'ai grandi au whisky. Tout le monde n'était pas fan du whisky. Donc, je me suis dit qu'on allait essayer la tequila. J'ai déjà eu l'occasion de goûter la tequila Arrête. Arrête ! Ouais, voilà. J'attendais un petit peu, j'avais les 2 secondes de laps de temps. Donc j'ai déjà eu l'occasion de la goûter, je l'ai trouvée plutôt bonne, vraiment plutôt bonne. Je me suis dit que ça allait changer et je voulais vous faire découvrir ça si vous ne le connaissiez pas encore. C'est une tequila blanche donc. Visiblement faite à Mexico, mais ma traduction est assez aléatoire, je dois dire. Aléatoire. Aléatoire. Et donc voilà, il va falloir goûter ça. Goûter. On va goûter. Allez les gars, voilà, on fuit. Ça pique pas un peu la tête ton truc là? Ah, un petit 38. Un petit 38, oh ça va. Eh, tant que ça rentre dans du 38, ouais. C'est que c'est bon. Tant que ça rentre dans du 38. Ouais, faire gaffe parce qu'en dessous, normalement en dessous de 38, c'est détournement de mineur, mais bon. Moi je dis ça. Mais c'est quand même un petit bout, c'est pas grave. Et donc du coup, bon, on va passer au dossier de monsieur Asto. Après, c'était un déjà. Déjà, l'autre il sort de son. Si tu veux, on peut faire une présentation de. Ah bah, on a presque demi-heure. On a presque demi-heure. Hein. Déjà ? Oui. Oh putain. Bah, force de présenter les bouteilles. Hein. Voilà. Donc, la jingle. Bon, alors, toujours la thématique. C'est toujours les mêmes. Après le méga quiz, le méga quiz blind test de, d'opening animé, le méga dossier animé. on va commencer la tequila, je pense. Qui va encore durer des heures. Oui, c'est bien parce qu'on a présenté le vin et tout, mais en fait. On n'a rien servi. On n'a rien servi, donc. Alors attends. Serre-nous un petit coup de vin. D'abord. Attends, après, ouais. Toi, il me reste un fond de poire. De poire. Un fond de poire. Je sais pas s'il prend là. Il a deux ans celui-là. Donc, sincèrement. Il est un peu jeune. Je pense qu'il va être un peu jeune, donc il risque d'être un peu fruité. Mais après tout, c'est le caractère aussi des vins biologiques. Ouais. C'est que vu que t'as pas de sulfite, t'as rien. Déjà, celui-là, faut le dire, il te fera pas mal à la tête. Tu peux en prendre, c'est que du naturel. Et après, il mérite peut-être de vieillir un tout petit peu, mais alors, pas léger. T'as ton verre, mon Jean-Jean ? Je vais goûter un petit peu ma bière, en profiter, maintenant qu'il y a un peu moins de mousse. Mais t'inquiète pas, je suis pas loin. Voilà, mais normalement, celui-là, ouais, franchement, il y a pire. Tu sens le raisin. Ouais, soit qu'il est jeune, ouais. Soit qu'il mériterait, ouais. Après, moi, je suis pas fan en vin. Donc, ah non, mais j'en bois rarement, donc du coup, je saurais pas dire. Ah, c'est pas si, mal à la tête, je pense. Ouais. Un bon vin, c'est celui qui te plaît. Putain, il a 14 ans. Il n'y a pas de plus vin meilleur que les autres. Le bon vin, c'est celui qui te plaît. C'est tout. Hein. Et c'est pareil pour tout. Oui, non, mais dans le sens où j'en bois jamais. Ouais. Enfin, tu vois, à partir du moment où il y a un petit goût qui te rappelle quelque chose, qui te donne envie d'y revenir, tu peux te dire. Bah, une photo du verre pour la couleur. Révan, ouais, une photo du verre. Lequel verre ? Du verre de vin. Le verre de vin. Bah, ce sera pas sur mon compte parce que c'est pas moi qui ai le meilleur éclairage, Révan. Moi, je suis en contre-jour, sinon faut que je fasse. Je vais le faire, sinon. Bah, comme ça, on voit bien. Ça arrive, hein, ça arrive. Ils sont, ils sont en train de tirer des plans d'architecte pour savoir quel est le meilleur azimut avec la luminosité et tout le truc. T'inquiète. Alors, en attendant, je vais démarrer mon truc sinon il y a. Oui, démarre, sinon, de même, on y a encore. Et donc, la tequila, du coup. Oui, la tequila, mais oh, ça va pas tarder, oh, ça va pas tarder. Par contre, si on commence à tout enclencher d'un coup, là, ça va finir. On avait trois verres, hein. Oui. Moi, j'en ai quatre. Non, mais c'est moi, j'en ai quatre. Je sais pas. Moi, j'ai un pichet, si tu veux. Il est là. Moi j'en ai un là, oui, mais c'est Jean-Jean qui cherche son troisième verre. Hein. Il est devant nous, Jean-Jean. Le vin, il est. Ah. Merci, monsieur. Pas trop malheureux. Et le vin, il est. Comment tu bois ça? Tu bois ça comme ça, du coup? Ouais. C'est au soir. Moi je le bois comme ça. Une petite dégustation de vin un soir à Podren, tiens. Merci. Moi je veux bien, Pépé. Il suffit juste qu'il me reste assez de carton. Quand je vais monter à Podren, ou au pire, faut que je passe chez Yannick, ouais, chercher du. Alors, j'ai déjà une commande de 2013 pour mon copain. C'est la dernière fois, j'ai bu du 2001. C'est même en Rébonne. Je sais pas. Je vais voir, ouais, mais tu vois, je me le note de suite. Que ça coupe. Je vais me le noter de suite, Pépé, et puis je vais amener un carton de 6 à Podren. Pas de sushi. Ah, ça. Ah, ça coupe pas. Ah, bah, c'est de la tequila, poulet. Hein. Qu'est-ce que tu croyais que c'était de l'eau de vie? Alors, la meilleure tequila, moi, c'est la. Enfin, celle-là, je l'ai pas. Encore goûté, mais là j'ai goûté une tequila qui venait de l'Équateur au mariage de mon pote. Ouais. Mon pote a marié une Mexicaine. Ouais. Maintenant il vit à Barcelone, c'est un vrai globe-trotteur ce mec. Et pour te dire à quel point la tequila équatorienne ravage, c'est que même les Équatoriens résistent pas. J'avais une table d'Équatoriens derrière moi le jour du mariage de mon pote. Ils ont descendu l'équivalent de ça à 6. D'accord. Et quand je me suis retourné, ils étaient tous par terre. C'est-à-dire que, en gros, pour ceux qui nous écoutent, ils ont descendu l'équivalent de. On est 5 autour de la table, et bien à 6, ils ont descendu l'équivalent de ce que nous on descend à 5, et ils étaient retournés complètement. C'est. Prometteur. Ouais. Tu dois la sentir en bouche quand même, ta tequila. Ben moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai même pas essayé de m'approcher. Ouais, c'est dommage. Et du Quigaman. Du Quinaman, tu trouves du beurre et de la farine, ça suffira. Hein. Un bon cidre, moi je suis pour, Pépé. Ouais. Ah, et puis avec un peu de chance, Anna te dira qu'elle t'aime bien. Au bout d'un an. Alors, mon dossier. Oui, en fait, parce que oui, on en était là quand même. Mon dossier, donc il faudrait pas qu'on oublie qu'on a une mission à faire apparemment. De rester dans ma thématique animée, je vais vous faire un dossier un petit peu sur les animés que j'ai vus depuis le début de l'année. Alors moi c'était les animés que j'ai vus depuis le début de l'année. Bon mais ça c'est fait, hein, passe à la suite. J'en ai vu 50. Non, je vais essayer de faire un dossier sur les animés de 2017, sauf que la saison automne donc qui va arriver. Elle démarre là, elle démarre dans une semaine par rapport au moment où on enregistre. Bon, donc c'est un peu compliqué, donc je vais vous verrez un petit peu. Alors avant de démarrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit récap ceux qui licencient qui les virent. Voilà, des animés en Europe. Ces salauds qui veulent utiliser les licences. Les plus gros et donc leur formule un petit peu. Voilà, parce que c'est bien de regarder des animés, mais c'est bien aussi de le faire de manière légale. Bouh. Et oui, mais moi je fais ça de manière légale. Donc salaud, Donc il y a. Je suis venu par ordre alphabétique. Tout le temps, il n'y en a que trois. Donc ADN, Anime Digital Network, qui licencie notamment My Hero Academia, par exemple. Oui. Ouais. Voilà. Donc eux, ils ont un fonctionnement avec un catalogue gratuit, avec My Hero Academia, par exemple. Donc qui est disponible gratuitement sur le site de ADN. Et un système d'abonnement. Alors en fait ils ont l'abonnement le plus cher, en gros il est à 6,99€ par mois, si tu le prends au mois. Mais si tu t'abonnes pour un an, si tu dis je m'abonne pour un an, alors à ce moment là tu as l'abonnement à 4,99€ par mois, ce qui fait 60€ par an. Ah, donc oui. Là il tombe au niveau t'as deux mois gratuits quoi. Voilà, il tombe au niveau des autres, puisque l'abonnement Crunchyroll est à 4,99€ par mois, avec un accès premium, donc c'est à dire que tu as les épisodes, tu as accès aux épisodes directement, alors que si tu n'as pas d'abonnement, il te faut attendre 7 jours. Voilà. D'accord. Au bout de 7 jours, ils sont gratuits pour tout le monde. Et Wakanim, qui avait un fonctionnement différent, s'est aligné sur Crunchyroll, donc eux ils sont pas à 4,99€, ils ont arrondi, ils ont fait 5€ par mois. Ouais. Et c'est la même chose, les épisodes en premium pendant une semaine, et ensuite ils passent en gratuit. Pour ce qui sort maintenant et depuis quelques saisons. Ce qui sortait avant, puis avant, Wakanim avait un mode de fonctionnement inverse, c'est-à-dire que les épisodes étaient gratuits pendant 7 jours, puis ils passaient en premium. Donc tout ce qui est sorti à cette époque-là, il faut l'abonnement premium pour aller les voir. D'accord. Allez, on attaque dans le vif du sujet avec la saison hiver, donc la saison qui a démarré en fin décembre 2016, donc qui s'est déroulée jusqu'au mois de février-mars 2017. Ah, c'est court. C'est 3 mois. Ah, oui. C'est vraiment les saisons, nos saisons, donc c'est 12 épisodes, un épisode par semaine, donc ça fait 3 mois. Alors, moi, au moins, c'est réaliste. C'est, oui, exactement. Alors, j'ai vu pendant cette saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 animés. Oh, putain. Oui, j'essaie de tenir un rythme assez élevé, donc je vais commencer par Masamune Kun's Revenge, que j'ai regardé sur Crunchyroll. Qui raconte l'histoire d'un jeune qui s'appelle Makabe Masamune, qui lorsqu'il était enfant était en surpoids. À cause de ça, il était régulièrement pris pour cible par les autres, et notamment par ses camarades de, par sa camarade de classe, Adagaki Aki. Déterminé à en finir avec cela, il commence un régime et un changement de son physique. Quelques années plus tard, Masamune est prêt à faire face à Aki et il arrive dans le même lycée qu'elle. Désormais, il est beau, doué en sport et a d'excellentes notes, ce qui lui vaut une grande popularité. Arrivera-t-il à obtenir sa vengeance? C'est une espèce de héros qui prône la bougoussitude, enfin, un truc comme ça. Enfin, je sais plus comment c'est formulé dans le truc. Michael Vandella. Mais c'est vraiment ça qui est utilisé en sous-titre en français, si tu veux. Il veut vraiment être le plus beau, le meilleur en sport, le meilleur dans les études et tout, pour que cette fille tombe amoureuse de lui et qu'à ce moment-là, il l'envoie chier monumentalement pour se venger, en fait. Ah, d'accord, c'est une préparation au paiement. Voilà, c'est ça. Sauf que ça se déroule absolument pas comme prévu, donc c'est rocambolesque. Ça finit un peu avec un mec qui a 14 ans autour de lui. Bon, voilà, c'est du classique. Ah, le rêve de Gandalf, quoi. C'était... Oh, bon, pas que de Gandalf. Une me suffit. Frustration quand tu nous tiens. Une qui se fait enculer me suffit. Arrête, il y a des femmes qui écoutent. C'était pas, pas l'animé de la saison, mais c'était humoristique, sympa, léger, marrant à regarder. Ensuite, également sur Crunchyroll, un animé qui, dans la suite ou en même temps que la diffusion en France, est sorti en manga chez nous, sous le nom de Freaky Girl. un nom original, Demi-chan Wakataritai, ou Interview with a Monster Girl. Donc, Succube, Doulahan et Vampire sont... Je suis Succube. Je reprends du début parce que je m'en perds du coup. Succube, Doulahan ou encore Vampire, ces êtres sont aussi connus sous le nom de Ajin, ou encore Demi. Ajin, oui. Ils ont vécu dans l'ombre des humains durant une éternité pour éviter d'être persécutés par ces derniers. Dernièrement, ils sont devenus des membres à part entière de la société. Cette histoire suit un professeur de biologie enseignant dans un lycée qui possède un grand intérêt pour les demi et de son interaction avec divers Ajin. Au fur et à mesure, il se rend compte que ces êtres, pourtant différents des humains, possèdent les mêmes problèmes d'adolescents que les autres. Donc on va suivre la vie de ce professeur de physique-chimie qui va s'intéresser donc à ces êtres un peu à ces Ajin, ces demi. Et donc voilà, dans son lycée, il va voir arriver donc une succube, succube, une Doulahan, donc c'est une fille qui a la tête séparée de son corps. Elle tient sa tête dans ses mains. Elle fait la chatte alors. Oh putain, t'es con. Et une vampire. Et ça, je te coupe, c'est un lien avec le manga qu'on trouve. Pas du tout Ajin. Non, c'était voilà. Non, c'est juste, ça s'appelle des Ajin, mais après. Ok. C'est des demi. Et donc voilà, il va passer beaucoup de temps avec elle pour apprendre à les connaître et voir comment la différence entre les humains et elle et leur comportement en société. C'est pareil, c'est très léger, c'est très comique, très très sympathique. J'ai pas jeté un œil à l'adaptation manga. Ah, il y a une ? Il y a une adaptation manga. Ouais, sous le nom de Freaky Girl. Faut jouer l'affiche, ça m'intéresse pas plus que ça après, donc j'ai pas jeté un œil. Un autre animé qui, pareil, a eu une adaptation manga en même temps que la sortie animée en France chez nous, c'était Fuka. Alors Fuka, c'était... merde. Je sais pas si je vous l'ai dit, Demi-chan Wakataritai, donc Freaky Girl, c'était licencié chez Crunchyroll également. Fuka, c'était pas licencié, pas chez un des gros licencieurs chez nous, donc ça, il fallait le regarder un peu en... je sais plus comment ça s'appelle. Pirate. Truc de streaming. Fan sub, voilà. C'était ça. Je suis pas assez bourré, je crois que c'était la team Desper Paradise. je voulais la finir, hein, t'inquiète pas. Donc Fuka, suite à une mutation de son père aux États-Unis, Yu Haruna se voit contraint de déménager et de vivre avec ses trois sœurs dans une maison à Tokyo. Accro aux réseaux sociaux, et plus particulièrement à Twitter, il vit tout cela avec un certain détachement jusqu'à sa rencontre avec Fuka Akisuki, une fille athlète et grande passionnée de musique. Donc en fait, c'est un peu du drama en fait aussi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de drame dans ce truc a priori. C'est tellement beau le drama. Dans l'animé, surtout quand c'est bien fait. On en voyait un petit peu, mais a priori, voilà, dans le manga, c'est l'histoire qui va beaucoup plus loin, mais c'est vraiment dramatique. En fait, donc, on va suivre l'histoire de ce garçon qui arrive à Tokyo, qui arrive dans un nouveau lycée, qui va rencontrer cette fille qui s'appelle Fuka, et qui va se mettre en tête de monter un groupe de musique, tout simplement. Et en fait, cette fille, Fuka, elle est fan d'une chanteuse en particulier, et il se trouve que cette chanteuse, c'est une amie d'enfance du mec. Mm-hmm. Et que le mec va retrouver des contacts avec son ami d'enfance qui est devenu une méga star. Et il va y avoir des soucis, des polémiques parce que leur relation va devenir publique parce qu'ils vont plus ou moins sortir ensemble. Ça va foutre le bordel dans leur groupe de musique à eux qu'ils ont monté du coup ce mec avec Fuka parce que Fuka elle commence à avoir beaucoup de sentiments pour lui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de drames dans le truc. Bref, pas ma vie. Voilà, c'est. On est très très loin de ta vie, mon gars. Ouais. T'as Revan qui dit et elle prend des dragées Fuka. Non. Non, il n'y a pas de baptême. Ensuite, ça m'aurait été un corbeau quand même. J'essaie d'aller suffisamment vite parce qu'il y en a beaucoup. Konosubarashi Sekai ni Shokufuku Wo saison 2. Et en plus, et c'est pas fini. Alors, Kazuma Sato est un hikikomori, donc c'est quelqu'un qui reste enfermé chez lui. Oui, hikikomori. Qui ne vit que pour les mangas, les animés, les jeux vidéo. Il trouve la mort dans un accident de la circulation. Toutefois, son mort n'est pas encore arrivé, puisqu'il se réveille face à une belle déesse qui lui propose de rejoindre un autre monde, tout en apportant avec lui quelque chose ou quelqu'un qui lui tient à cœur. ne sachant quoi répondre. Nathalie Dormeur. Presque. Ouais. Bah, lui, il a trouvé encore mieux. Toi. Il a trouvé encore mieux. Ne sachant quoi répondre, notre héros choisit d'apporter avec lui la déesse elle-même. Ah, ah bah oui, t'en gardes. Il lui met dans le fion. Une fois sur place, il se retrouve chargé d'une mission qui consiste à vaincre le roi des démons. Ne se sentant pas concerné par cette demande, Kazuma décide de vivre une vie paisible en trouvant des petits jobs pour se loger, se nourrir et vivre confortablement. Toutefois, ça ne durera pas car la déesse est là pour lui rappeler son rôle et l'armée du roi des, roi des démons compte bien passer à l'action. C'est un truc, c'est ultra barré, ultra déjanté. C'est vraiment du fantastique, du fantastique, mais... débile, mais débile, mais à un point, c'est inimaginable. Le mec, après, il se retrouve avec deux autres personnes dans leur groupe de héros. Donc lui, il va être un peu roublard voleur. Ouais. Donc forcément, il a un pouvoir qui permet de voler des objets. Qu'est-ce qu'il va voler ? Les culottes des filles. Hein, voilà, il fait ça, mais tant qu'à faire. Son truc qui s'appelle Steel, il s'amuse à voler les culottes des filles. La déesse, elle se retrouve une sorte de magicienne d'eau. Une sorte de... ouais, fait de la magie d'eau, elle s'amuse avec des éventails, elle fait de l'eau avec des éventails, elle est complètement conne, elle est complètement allumée. Et ils vont recruter une gamine magicienne qui fait de la magie d'explosion, mais elle ne fait que ça. Elle refuse d'apprendre quoi que ce soit d'autre comme magie que le sort. Donc elle est bornée, explosion. Elle est monomaniaque, c'est elle. Elle s'appelle Megumin, elle est aimée. Extraordinaire. Elle est vaginale, point barre. Quoi. C'est pas moyen de faire un petit clito, pas moyen de faire une sodomie. Explosion, hein, explosion, explosion. On est dans le 2, c'est bon, ça y est, on peut se lâcher maintenant. Tu sais, même depuis le premier, tu peux. Non, mais le 1, c'était tranquille, c'était pour habituer les gens. Là, je rate pas ton cheveu, mais je suis là. Tellement je survalide. Gandalf approved. Non, mais je le vois, il commence à hocher de la tête. C'est quand on commence à entendre ça, là. Là, faudra s'inquiéter. Le souci qu'il y a avec cette magie, enfin avec elle, c'est qu'à chaque fois. Ça fait mal. C'est surtout qu'elle tombe dans les pommes à chaque fois qu'elle se le sort. Ah, mais tu me l'as vendu ton truc. À chaque fois, elle est là. Non, mais tu veux que je t'explique pourquoi? C'est physiologique. En fait, les corps caverneux sont irrigués par le sang. Donc en fait, tout le sang qui va dans le corps caverneux part du cerveau. C'est pour ça que plus tu as un gros sexe et plus tu aspires du sang et plus tu tombes dans les pommes. Ah, c'est pour ça que je reste malin. Non, mais c'est pour ça que toi tu restes réveillé. Pas de soucis. Toi, tu peux avoir des orgasmes multiples, ça bougera pas. Au pire, ça partira dans les oreilles. C'est plat, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'encéphalogramme de la grenouille. Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de soucis. Non, mais je sais. À peu près de notre société. Alors, Pépé, si tu veux. Il va falloir se faire un quatrième épisode, en fait, je crois. On a le contenu, peut-être. Donc voilà. Il y a cette gamine Megumin qui fait que balancer des sorts d'explosion, mais à chaque fois qu'elle balance explosion, elle tombe dans les pommes. C'est complètement débile. Hein. Le feu, il s'est fait mais démonter. Et il y a également une quatrième personne. Il n'y a que des filles autour de lui. J'ai oublié comment elle s'appelle. C'est une chevalier. C'est pas chevalier, ouais. Hein, qui est complètement sadomasochiste, en fait. Elle veut s'en prendre plein la gueule tout le temps. Voilà, là on rentre dans l'intéressant, là on rentre dans le prospectif. Dans le du sujet. Voilà, donc là c'était bonsoir, et bienvenue dans le bras de ça. Là c'était la saison 2, donc la suite des aventures. Ce que je vous raconte là, c'était plutôt la saison 1. Mais ce sont des saisons courtes, puisqu'elles ne font que 10 épisodes. Ce sont deux saisons de 10 épisodes au lieu de 12. Et les épisodes, c'est quoi? C'est 20 minutes? C'est du 20 minutes. C'est 20 minutes, c'est le format habituel. C'est le format habituel, voilà. Ouais, c'est plutôt court, ouais. Donc c'est humoristique. C'est Gandalf qui doit être content. Mais quand c'est court, j'adore. C'est what the fuck. Ça me rappelle plein de choses. Ah, faudra que je regarde ça. C'est extraordinaire. Ma bite? Non, pas ta bite. Il y a tellement de discussions en même temps, là, c'est... Non, mais tu sais que quand on le réécoute, en plus, c'est hyper perturbant parce que tu sais pas où est-ce qu'il faut fixer l'oreille, quoi. C'est hyper gênant. Donc vas-y, poursuis mon petit Asto. Vas-y. Alors, animé suivant. Toujours un animé qui n'est pas licencié. Non, mais ça m'embête de le couper, tu vois. 45 minutes, t'as le temps. C'est bon. Hein. 45 ouais. Minutes, t'as le temps. Ça va, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai même pas fini l'hiver encore. Hein, donc, J'y crois encore. Pourtant, je. Non, mais parce que tu vois, j'aime bien quand il parle, mais ça me fait chier de couper. Il débite, ton culé. Et pourtant, débite, franchement. T'en as vu, hein. Donc, animé suivant. Kuzu no Ankai ou Scum's Wish. qui a été vraiment mon animé de la saison. Ah, bon, bah, on est arrivé sur le... Qui raconte l'histoire de Awaya Mugi et Yasuroaka Hanabi. Donc Mugi et Hanabi. Donne l'impression de former un couple idéal. Tous les deux sont des lycéens plutôt populaires. Ils semblent être faits l'un pour l'autre. Cependant, les autres ne connaissent pas leur secret. Chacun des deux aime quelqu'un d'autre et ne sortent ensemble que pour combler le vide causé par la solitude d'un amour à sens unique. Ça va finir en partie carré. On a déjà parlé de ça ? Non. Pourtant, ça nous dit quelque chose. Ah, parce que c'est un thème récurrent. Je vous en ai peut-être déjà parlé, mais pas. En off ? Voilà. Ouais. Bon, on va dire ça. C'est un animé qui est ultra poussé dans les relations humaines, puisqu'en fait, donc on a ces deux jeunes, donc un garçon et une fille, le mec qui est amoureux de sa prof, et la fille qui est pareil, elle est amoureuse de son prof. Mais on était dans le futur. Et en fait, ça crée des relations ultra complexes parce que la fille, elle a sa meilleure pote qui est amoureuse de elle. Il y a également le prof. Ça y est, ça a commencé l'apéro bof. Dont elle est amoureuse, est amoureux de la prof dont le mec est amoureux. Picard. Enfin, il y a. Et si ça finit pas en gangbang l'histoire ? Non, pas du tout. Tu finis par te suicider tellement c'est vraiment. Ah non, moi je me suicide pas. Moi je me branle. C'est vraiment du drama et c'est vraiment très poussé dans les relations humaines. Je vois même pas pourquoi tu le dis. Les relations humaines et les relations sentimentales. Mais c'est ultra bien foutu. C'est compliqué quand même. Ouais, c'est très compliqué. Le schéma là, tel qu'il est annoncé, franchement. J'ai encore oublié des persos, mais. En plus ! Bon, j'ai oublié l'ami d'enfance du mec qui est amoureuse du mec. Bah, tu m'enverras ta chronique parce qu'il y a tellement de trucs à aller chercher. Je sais que Kuzuno Ankai, le manga, s'est terminé en même temps que l'anime. Par contre, le manga n'est toujours pas arrivé chez nous. Et l'anime, il n'est pas licencié. Donc c'est pareil, il faut le choper en fin de sub. Chez Desport Paradise, il est disponible. En fin de sub. Ensuite, il y avait Siren, ça je vais passer très vite, c'était chez ADN. On avait parlé, ça, je crois. Soichi Kamita est un lycéen qui est en classe de première, il n'a qu'une envie, en finir avec ses études. Nous vivons une partie de sa vie où il fera plus ample connaissance avec certaines de ses camarades. Tsuneki, l'idole de la classe 2B, est toujours de bonne humeur. Miyamae est dans la classe 3A. Elle n'est pas vraiment douée pour discuter avec les autres, elle est passionnée de jeux vidéo. Et enfin, Tono, une très bonne élève de la première A, qui est également une amie d'enfance du héros. Donc en fait, l'anime est divisé en trois parties, de quatre épisodes, et dans chacune partie, il va rencontrer et développer une relation, entre guillemets, sans aller très loin, avec une des trois filles. Ah, pas comme moi, quoi. Ça va. Voilà. Et à chaque fois... Il se laisse le joint. En fait, à chaque fois, t'as l'impression que c'est reset un peu chaque petit arc. T'as l'impression que tout ce qui s'est passé avant, ça n'a pas vraiment eu lieu. C'est un nouveau truc. Voilà, c'est pas fou. Mais bon, ça faisait passer le temps. Ça cesse de regarder. Voilà. Ensuite, Sangatsu no Lion ou March Comes in Like a Lion, licencié chez Wakanim. Alors, enfant, Rei Kiriyama a perdu sa famille dans un accident. À 17 ans, Rei est aujourd'hui un joueur professionnel de shogi encore accablé par un profond sentiment de solitude. Un jour, son quotidien va être bouleversé par la rencontre par sa rencontre avec les trois sœurs Akari, Hinata et Momo. C'est une histoire de personnes qui vont se battre pour récupérer ce petit quelque chose qu'elles ont perdu. Donc c'est un manga qui parle de shogi. Donc ce garçon qui est un professionnel de shogi alors qu'il n'est qu'un collégien qui vit tout seul. Et qui va en fait se retrouver, qui va se faire en quelque sorte une famille avec ses trois sœurs qui elles aussi sont un peu seules, qui vivent avec leur grand-père. C'est une histoire assez touchante, très prenante, mais c'est quelque chose qui a un rythme très très lent. C'est du shogi, c'est vraiment posé comme truc. Ouais. Donc voilà, faut accrocher. Et aussi en termes de dessin, c'est assez spécial au niveau des dessins comme représentation, comme chara-design. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin de cet animé, pour la raison que vous verrez. Et enfin, on va finir la saison de l'hiver avec Kobayashi-san Chino Dragon Maid, ou Miss Kobayashi's Dragon Maid, qui était licenciée chez Crunchyroll. Alors, Mademoiselle Kobayashi mène une vie ennuyeuse, partagée entre son travail au bureau et son minuscule appartement, jusqu'au jour où elle sauve la vie d'une dragonne, se prénommant Toru, ou Thor, elle s'appelle Thor. Cette dernière peut se transformer en humaine, même si ses cornes et sa queue rappellent ses origines. Pour payer sa dette, elle décide de rester chez, chez Mademoiselle Kobayashi et de mettre à son service. Ouais. Donc en ouais. fait, tu vois la vie de cette fille, Kobayashi, qui rentre, enfin qui un matin se lève et y a un dragon devant sa porte. Enfin, une tête de dragon, parce qu'elle vit au 15e étage de l'immeuble. Est-ce que gueule Fudruka ? Non, mais classique. Moi j'ai envie de dire, c'est demain matin, on va se réveiller, il y a un dragon. Voilà, okay. Et le dragon lui dit, bonjour, vous m'avez sauvé hier, je viens me mettre à votre service, tout ça. Il fait quoi ? Mais je vous ai sauvé hier, mais je m'en souviens sans pas. Sans les 7 boules de cristal, sans rien, le mec, il se met à ton service. Franchement, c'est vachement mieux que Dragon Ball Z. Mais je m'en souviens pas du tout et tout, qu'est-ce que vous racontez ? Et là, tu revois la soirée de la veille. La meuf était en fait complètement bourrée, elle sortait du bar. Bah voilà, la sodomie. Torchée à quatre pattes. Ah, c'est un homme, mais déjà, ça me parle, ça me rappelle quelqu'un que je connais. Et en fait, elle s'était paumée dans les bois. Elle s'était paumée dans les bois, elle a rencontré le dragon qui s'était pris une épée dans le bang. Dans le bang. C'est ça. Vas-y, ouais, t'as raison, bon écoute. Et donc, elle l'a sauvée, et donc elle va se retrouver avec une maid, donc une serveuse. Comme un bad maid, mais ouais, une servante dragonne. Et donc après, il va y avoir d'autres dragons qui vont arriver dans leur monde. C'est ultra comique et c'est très très très très sympa. Allez, on passe au printemps. Ouais. Soshite Iru. Attends, parce que là, c'était que... C'était l'hiver. C'est que j'ai regardé l'hiver. Mais c'est pour ça que je vais très vite. Ah ouais. Au printemps, l'anime que j'ai retenu au printemps, My Hero Academia. J'ai un truc aussi rapide aussi, non. Ah non, moi ça m'intéresse, c'est pas le souci, c'est que je me dis que finalement, 11h, j'étais large. Bah oui. Non, mais vas-y. Moi j'aime bien. L'anime que j'ai retenu au printemps, My Hero Academia, la saison 2. Ah oui. La saison 2. Donc on suit les... Un anime. Ouais. Izuku. Et c'est sur quoi? Sur ADN, chez ADN. Putain, mais faut que je regarde. Par contre, c'est très proche du manga. C'est gratuit. Le manga, c'est gratuit. T'as pas besoin d'abonnement. Ouais. Si tu lis le manga, par contre. Mais comment ça se fait que je le sache pas, ça? Par contre, ouais. ADN. Très controversé, l'anime de My Hero Academia. Ouais. Parce que ultra proche du manga, donc c'est quelque chose qui. Attends, mais faut donner le lien à ceux qui sont comme moi qui connaissent pas. Il y a beaucoup d'action, mais. On va mettre ça sur le. D'accord. Je vais mettre ça sur le chat. Donc, Izuku et tous les personnages de la seconde A dans un grand festival de sport de UA, mais ça ne sera pas tout. Même s'ils ont résisté à l'association des vilains, nos héros ont encore tout à prouver aux yeux du monde et devront se dépasser pendant le festival de sport de l'académie de UA, mais par la suite également de nouveaux challengers. Et Dr. Slump viendront mettre au défi Izuku et ses amis. Sauront-ils faire face et se montrer aussi fort et même plus fort que les secondes de B? Donc là, on va suivre la suite. Visiblement, il y en a qui ont des surprises boîtières en sortant. La suite de ce qui s'était passé dans la première saison, donc je vais pas vous raconter, mais en gros, la saison 2 va démarrer avec une sorte de festival sportif, mais des super-héros. Ouais, donc c'est une course d'endurance, mais où ils se font attaquer par des robots, où ils doivent traverser un champ de mines. Comme les X-Men ou pas pareil. Enfin voilà quoi. Donc c'est toujours du My Hero Academia, la formule n'a pas changé, malheureusement le rythme n'a pas changé non plus, c'est peut-être le... Oh, j'aime bien le malheureusement. Non mais c'est la critique qu'on peut faire parce que... À 10 secondes près j'en foutais partout. C'est vrai que bon du coup l'anime a continué sur la saison été, il est toujours ouais, en cours, ouais. Mais au début ça m'a fait très peur de me dire qu'ils ont fait le festival sportif, qui est un truc qui dure pas très très longtemps, donc qui dure... c'est un arc assez intéressant mais pas très long. Mais on fait sur 12 épisodes. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Même s'il y a un tournoi individuel, il y a beaucoup d'épreuves et tout. Tu sais, putain, ils ont quand même tiré le truc en longueur. Déjà, ils avaient été critiqués sur la première saison parce qu'ils avaient adapté seulement un tome et demi en 12 épisodes. Pour un manga d'action, putain, les mecs, ils étaient là. Oui, alors que généralement, c'est un chapitre, un épisode. Ouais, d'habitude, ça, ouais. Enfin, deux chapitres, un épisode. Ouais, la norme, c'est un chapitre, un épisode, de ce que je connais, moi. De ce que là parce où que, j'ai lu, de ce que je connais, oui, c'est comme ça. Parce que là, c'est vraiment du copier-coller. Hein. C'est vraiment du copier-coller au dialogue près du manga. Donc, c'est dommage quand ça laisse pas de place un petit peu à l'interprétation. Voilà. C'est là où ils sont très critiqués. Mais après, ça reste quelque chose de vachement bien si on n'a pas lu le manga. Si on veut quand même s'y intéresser, c'est ultra sympa. 10 secondes, c'est ce qu'il me faut pour en foutre partout. Hein, de toute façon, donc, apparemment, Pepe le lit aussi. Ouais, mais c'est très très bien. Moi, j'ai lu. C'est super bien. Animé suivant, Danmachi Sword Oratoria, donc chez Wakanim. Donc Danmachi, donc c'est le Familiamis. Donc je sais plus qu'est-ce que j'ai. Oui. Donc Danmachi Familiamis. Donc c'était Bell Cranel et le dernier descendant de la famille des membres de la famille protégée par l'impopulaire déesse Hestia. Malgré son physique peu avantageux, le jeune homme décide de partir à l'aventure dans un mystérieux donjon de la cité labyrinthe d'Orario. Mais pourquoi il est pas en quête de gloire et de fortune. Il fait la connaissance de Ace Valenstein. À l'épée tranchante Faye Valentine et qui vient et qui vient lui sauver, lui porter secours, mais bien des dangers attendent nos deux héros. Alors, et là on était donc ça c'était le et ça marche même à gauche c'était le pitch de Danmachi et donc là on est sur Danmachi sort d'Oratoria, donc c'est Danmachi spin-off des aventures de Ace Valenstein sur comment elle est devenue aussi fabuleuse. Donc Danmachi c'était donc l'histoire de ce jeune homme qui partait un peu à l'aventure dans un donjon, et donc là c'est le spin-off, donc on voit à peu près la même chose que dans le premier animé mais du point de vue de Ace Valenstein, donc de la belle blonde. L'animé est fini. L'animé est fini, ouais, de Danmachi. Je préfère Eva Braun. Non, c'est un roman. C'est, ah ouais. C'est un roman, ouais. Ça me dit quelque chose, un manga qui est relativement... Mais fin Danmachi, mais... c'est la version raccourcie du titre, parce que le titre, il est... Comme moi, quoi. C'est Dungeon Danmachi. Si tu traduis en français le titre original, c'est... Peut-on vraiment rencontrer l'amour dans un donjon ? Enfin, c'est un truc, c'est vraiment très très très long. Si, je pense. Moi, je suis d'accord, hein, et pour peu que la fille, tu la jettes bien dans le donjon, que tu lui mettes un gros cadenas... Avec un gros dragon. Et que t'arrives après par hasard, je pense que tu peux rencontrer. Donc voilà, moi je m'attendais vraiment à un spin-off vraiment orienté sur comment Ace Valenstein est devenu aussi célèbre et populaire. Et en fait, c'est vraiment la même histoire que la première série, mais du point de vue de Ace. Donc tu vois pas les mêmes choses, mais de temps en temps, t'as des morceaux qui se raccrochent. Tu revois des petits trucs que t'avais déjà vu dans la première série. Fais un break, on va combler avec Gandalf, tu vas voir. Machine ton saucisson, tu vas voir, ça fait du bien. Le fuet, c'est formidable. Quand ouais. Assez non, franchement, le fouet là, il est très très bon. Il est... Je sais pas d'où il sort celui-là. Ah, bah de chez moi, il a été séché pendant 3 mois. Ah, d'accord, ok, c'est ça l'odeur. Cette odeur de sperme, c'est moi. Ok, donc là, va falloir que tu avales très vite parce que il va falloir enchaîner. Parce que c'est bon, faut que ça enchaîne. Tu vois, c'est comme ça quand même. Je reste chez Wakanim avec Hero Manga Sensei. Donc Izumi est un auteur de light novel, il travaille en commun avec un mystérieux illustrateur appelé Hero Manga Sensei. En parallèle, donc Masamune, donc c'est son nom, Masamune Izumi, vit seul dans un petit appartement avec sa jeune sœur Sadioi, une hikikomori, donc qui reste enfermée chez elle, ne veut pas sortir de sa chambre. En effet, celle-ci ne sort jamais de sa chambre et exige de se faire nourrir par son frère. Pas qu'il lui donne à manger, c'est juste qu'il lui apporte le repas, il pose devant la porte et il se barre, et tant qu'il s'est pas barré, elle va pas ouvrir la porte pour choper le petit repas. Ne supportant plus cette situation, Masamune oblige un jour Sagiri à quitter son refuge. Il fait alors une découverte qui va bouleverser sa vie. Le fameux Hero Manga Sensei n'était autre que sa sœur. Oh ! Oh là là ! Oh l'incurie ! Et donc Hero Manga Sensei, parce que héros, érotique. En fait, le mec, il... Attends, je me lève et je vais faire ça, moi, je vais réfléchir. Bah, alors, sur le chat, il y a Revan qui dit « Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer, mais vous pouvez l'enfermer au sous-sol et attendre qu'il développe le syndrome de Stockholm. » Oui. Mais c'est ce que j'aurais dû faire depuis des années. Ou alors tu vas chercher... Je suis trop con. Ou alors tu vas chercher Nathalie Campouche. Natacha Campouche. On s'en branle. Ça me branle. Tu prends le premier kidam qui passe et tu fais pareil. Donc voilà l'histoire de ce jeune. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une cave à Podren pour Revan ? Et si je viens. Je sens que je vais regretter cette phrase. Si je viens, viole quelqu'un. Je viens, je viole quelqu'un. Je sens que je vais la regretter cette phrase. Quand tu vas écouter l'épisode, tu vas la Lance-patate, je viens, je te viole. Non, mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, t'as le lag, donc le temps que tu te rendes compte de ce que tu viens de dire, elle va juste l'entendre. Mais c'est bien parce qu'elle vient de dire « j'adore ». Oui, mais c'est ça. Voilà, c'est bon. C'est pour ça que je suis raccord, je me donne bonne conscience. J'adore quand t'adores. Bruit de... Je continue. Ouais. Ça voilà, va, ça. Encore et encore. Je reprends les rênes de mon dossier, bordel. On en a une heure, c'est bon. Ouais, ralenti un peu. Je continue chez Wakanim. Je suis pas venu pour souffrir, ok. Ok. Je continue chez Wakanim. J'avais pas compris l'histoire. Avec... Donc, Grim War of Zero, encore chez Wakanim, un an 526, l'existence des sorcières et leur pouvoir est méconnu du grand public et leur pratique reste un mystère pour les non-initiés. En ces temps vivait une créature mi-homme, mi-bête surnommée... Gandalf. La bête... Le blanc était fatal. Surnommée la bête tombée en disgrâce. Ah oui, Gandalf. Celle-ci, approchée par la sorcière Zéro, qui lui fait la promesse de lui rendre son apparence humaine en échange de son aide comme mercenaire. Alors ça, les bobos contre la tête, c'est quand t'es trop près du mur, de la tête de lit et que le vrai. Il se lance alors à la recherche d'un livre contenant tout le savoir des sorciers, le grimoire de Zéro. Il va pas y arriver. M'en fous, je continue, vous saurez rien de plus sur cet animé-là. Te laisse pas faire. Le dernier animé de la saison printemps. Ouais, il en reste encore plus. Sushite Iruge. Je me fais attaquer par les dessins de mon père. Le décor se fait la malle. Donc un dernier pour la saison printemps, je vais regarder. Akashic Record of Bastard Magical Instructor. Chez Crunchyroll. Sistine fréquente une école de magie pour améliorer ses performances dans l'espoir de résoudre la fameuse énigme du château céleste. Et moi aussi je vais améliorer mes performances. Mergalius. Mais son professeur favori Mergalius vient de partir et son remplaçant Glenn se révèle être un paresseux et surtout d'une totale incompétence. Alors pourquoi cette prestigieuse académie a-t-elle recruté l'a-t-elle recruté et le présente-t-elle comme l'un des meilleurs enseignants de son domaine? Alors, c'est un animé où, je vous préviens, il faut s'accrocher au premier épisode. Ah, déjà ça, d'entrée. Non, ça devient... L'animé est très bien, seulement, le premier épisode, c'est un fourre-tout de fanservice. Il y a toutes les blagues de fanservice avec tous les plans culottes que tu veux du monde. Ah. Une fois que t'as passé le premier épisode, l'animé est bien. C'est, ce qui est bien, c'est parce qu'il y a... Et certaines... Du coup, est-ce qu'on peut passer le premier pour accéder directement au deuxième? Ouais, presque. Parce qu'on m'a... Ah, presque. C'est toujours mieux que certaines séries où on m'a dit, tu sais, tu vas passer le 10e épisode, c'est bien. Tu vas louper un peu le truc, ah, mais... C'est bien, c'est plus de la moitié. Bah après, je vais faire arrête, pendant 20 arrête minutes, avec les fluides. Pourquoi pas. Quand j'ai regardé le premier épisode, j'ai fait putain, mais c'est pas possible. Moi qui adore le truc catchy et tout, je fais... On va se mettre à côté de tout. Ils ont foutu tout le fanservice du monde possible dans ce truc, c'est ignoble. Et puis je me suis dit, bon, je vais m'accrocher, je vais regarder la suite, et à partir de la suite, ça devient intéressant. Mais c'est vrai que le premier épisode est vraiment de niveau... Abyssal. T'as envie de te pendre quoi. Tellement c'est. Tu vois tellement les blagues arriver. Tiens, il va ouvrir une porte de vestiaire. Tiens, ça va être des vestiaires des filles. Ah, oh, c'était quoi? Le vestiaire des filles. Les bravo, merci. Allez, les mangas de l'été, les animés de l'été. Oh putain. Ah. Eh, ça on déconne l'été, bien, c'est bon, c'est-à-dire qu'on a fini. L'animé de l'été que j'ai préféré, même s'il n'est pas encore fini, je vous en ai déjà parlé il y a 6 mois. Love Lies. Ah. Eh, je me rappelle tellement pas. C'est pareil, moi non plus. Tu vois, moi c'est un réflexe conditionné. Licencié chez Wakanim. T'es un beau sociétaire. À 16 ans. avec le résumé, ça va vous revenir. À 16 ans révolus, le gouvernement vous annonce votre future épouse. Oui, c'est la loi fondamentale pour lutter contre la baisse de la natalité. On l'appelle aussi loi Yukari. Plus besoin de s'embêter à chercher soi-même. L'État garantit à chacun... quelqu'un avec qui on a un atome crochu. Et ça m'aurait tellement intéressé, ça. Et tout le monde accepte ce bonheur. Je fais lapinou ce avec les doigts. Ce bonheur. Lapinou avec les doigts. Sinon, je fais une tendinite avec mon épaule, je peux avoir le guacamole. Ah, pardon. Ouais, tu peux le voir. Tiens, regarde, il est beau. Hein. Dans ce monde, le héros de cette histoire, Neijima Yukari, 15 ans, a des sentiments. Sur le micro, on peut prendre le micro. Takasaki Misaki, la veille de ses 16 ans, il se résout à lui révéler ses sentiments. Il reçoit cependant une notification du gouvernement. Qui est donc la fille qui... Moi j'étais toi. Non, reprends des forces. Qui est donc la fille avec qui le fil rouge de la science a été lié. Le monde, ce monde où un gouvernement a les pleins pouvoirs sur votre vie amoureuse est-il juste? Voici donc l'histoire d'un amour interdit, vain et innocent dans laquelle s'entrecroisent des sentiments fervents et purs des jeunes garçons et filles. Ah, c'est pas mal comme débat. Moi j'aime bien le... La question de se dire, est-ce que tu peux intervenir dans le, et est-ce que tu peux faire à la place des autres, est-ce que tu peux réfléchir à la place des autres, est-ce que tu peux discuter à la place des autres. C'est bon, j'ai bien comblé, tu peux finir d'avaler maintenant. le guacamole avec... Oui, voilà, le guacamole avec la tortilla. C'est bon, j'ai tout avalé. Ah, très bien, tu vois. Non, mais tu vois, quand c'est moi qui le dis, ça passe mieux que quand c'est Gandalf. Ouais, ça fait moins abrupt. Ça fait moins abrupt. Comment ça Toi, t'es un peu raide. J'ai mis dans les paroles. Hein. Ah. J'ai mis une petite mention pour ce manga parce que le truc qui m'a fait tiquer dès que j'ai regardé le premier épisode. Et du viol. Dès que je... Non, mais non. Dès que j'ai regardé le premier épisode d'entrée de jeu, j'ai fait putain, je connais cette voix. Et l'héroïne est doublée par Kana Hanazawa. Si vous ne connaissez pas Kana Hanazawa, fais comme moi. Allez voir la page Wikipédia, vous verrez la liste monumentale des trucs qu'elle a fait. Elle a une voix magnifique et splendide. Il y a un épisode de Kaorin, donc podcast de Hamo sur Radio Kawa, dédié à Kana Hanazawa. Je vous invite aussi à l'écouter si vous voulez découvrir son travail. Alors, t'écris ça comment ? Kana. Avec un stylo. Hanazawa. H-A-N-A-Z-A-W-A. Hey, tu vas nous tuer. Tu sais, il faut pas grand chose, moi, pour que je tue. Je croyais qu'il allait dire Adeline chez Tail. Mais choupinette, cette dame. Oui, elle est choupinette. Elle a fait pas mal de musique aussi. Elle a fait des openings et tout. De temps en temps, elle pousse la chanson dans la tête. Adeline chez Tail, tu veux dire Shotail, la personne que tu connais pas, Ivan. C'est moche. Oh putain, elle a un faux air de celle qui joue dans Sense8. Oui. Elle a une photo là de profil, on dirait la coréenne qui joue dans Sense8. Ouais, les yeux un petit peu trop grands, enfin sur la photo. Ouais, non mais c'est raciste. Non mais par rapport à l'actrice qui joue. Un petit peu pas assez bridée. Et comment je suis peut-être bourré, mais je trouve ça raciste. Comment on fait défiler ce putain d'écran là? Elle a une photo de profil là de trois quarts dans la rue. Là, celle-là. Merde. Si tu l'as. Non. Je sais pas, je rate pas les séries Netflix. On voit là sur le chat au cas où. Ouais. En attendant, je vais continuer. Donc, animé suivant, Restaurant Another World. Chez Crunchyroll, il existe un restaurant situé au premier sous-sol d'un immeuble dans une rue commerçante près d'un quartier de bureaux. Installé depuis 70 ans, vous le reconnaîtrez à son enseigne ornée d'un chat. En semaine, c'est un lieu tout à fait normal, mais le week-end, il n'est ouvert qu'aux invités très spéciaux. Mmh. Au cours de ces quelques heures, il accueille des convives affamé venu d'un monde parallèle, vous voilà pourquoi on le surnomme restaurant vers notre monde. Donc restaurant to another world. Donc on va suivre dans chaque épisode, on va suivre deux histoires en fait, d'un personnage qui vient de cet autre monde, qui va découvrir ce restaurant. Donc ça va être, au début t'as des dragons. Non, ouais. Est-ce qu'ils ont des balls? Des elfes, des fées, enfin voilà, tout plein d'animaux, d'espèces un peu fantastiques. Qui vont découvrir ce restaurant et donc la cuisine de ce chef qui est délicieuse. Ah, c'est là où ils se foutent à poil à chaque fois qu'ils ont un orgasme culinaire. Non, non, ça c'est Food Wars. Ah oui, vu comment tu vas trop, j'ai cherché le truc, ça va. J'avais la route ratée déjà. Mais en attendant la suite de Food Wars, vous pouvez regarder Restaurant to Another World qui va aussi vous donner très très faim. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont vous donner très très, très, très envie de vous manger? Ah non, c'est pas celui-là. Animé suivant, Aho Girl. Chez Crunchyroll. Dis bon sur rouge. Yoshiko Wanabatake est une jeune fille qui n'est pas très douée, et pas seulement pour les études. Certains la qualifient même de parfaite idiote, d'où le titre Aho Girl. Donc Aho, ça veut dire stupide, idiote, même c'est Je pensais que Aho, ça voulait être... dire Aho, H-A-A-H-O. Ça, c'est, des fois, c'est vraiment traduit de manière un peu plus trash, salope ou des trucs comme ça, mais là, c'est vraiment débile. C'est Aho Girl, c'est vraiment débile. Elle adore son ami d'enfance Aku qui s'agace de ses pitreries et elle adore aussi les bananes. Ah, et pourtant Yoshiko va bien hanter la ville de son lycée parce que lui il a un ananas. Là on est sur ananas du donné on est sur du format court, du format 10 minutes comme habite, mais du format gag ultra ultra encore, punchy, c'est un format long hein. Donc du format court ultra punchy avec du l'enchaînement. Ah mais c'est blagues. Ultra punchy par contre. Ah oui, elle s'en prend plein la gueule aussi, des punchs. Des punchs, elle s'en prend plein la gueule parce que le mec à coup il en a sacrément un ras-le-bol de ses conneries. Et elle a ras les couilles. Il l'envoie valdinguer, il lui fait des German souplex et tout, le mec. Ah, des German souplex et tout comme dans le GTO. Putain, c'est bon. German souplex. Mais si, tu veux que je t'en fasse un? C'est du coup. Attends, je suis en train. Attends. C'est pas audio. Tu prends la ceinture et tu ceintures quelqu'un par derrière et tu fais. Ah oui, d'accord, c'est ce qu'on appelle la prise du crocodile. Le German souplex, quoi. On arrête l'épisode là-dessus. Deux cultures, toi, sud-ouest, sud. Alors, G80 n'a plus de dossier. J'ai un suplex aussi chez moi. D'accord. Alors, bah, tu vois, je n'avais plus rien à dire. Je suis juste en train de comparer la photo de comment elle s'appelle cette jolie dame. Kana Anazawa et de celle qui joue Liu dans Sense8. Et effectivement, il y a les yeux un tout petit peu plus ouverts. Et ma préférence va à Kana Anazawa. C'est une question de goût. Hein. C'est... Mais tu pourras écouter l'épisode de Kaori pour voir sa voix qui est absolument magnifique et à tomber. Quoi. Elle a une voix vraiment à tomber. Ah, des bananes. Oui. Et tu peux essayer de voir aussi sur MyAnimeList, donc un site que je consulte beaucoup, qui est en anglais, qui référence beaucoup tout ce qui est animé. Ouais. Et tu peux voir un petit peu tu peux comment dire, enfin tout ce qu'elle a fait comme doublage. D'accord. Voilà. Sa carriéritude. Voilà. Bah, sa carrière, ouais. Voilà. Okay. Animé suivant, New Game, donc ça c'est la saison 2 de New Game. Après avoir terminé ses études secondaires, Aoba Suzukaze ne souhaite qu'une chose, réaliser son rêve et travailler dans l'industrie du divertissement. Quoi de plus réjouissant que de rejoindre l'éditeur de jeux vidéo à l'origine de son jeu vidéo préféré. Préféré. Commence alors les péripéties d'Aoba au boulot, fourrir et travail acharné sont au programme. Donc là on est sur la saison 2. Donc la première saison où donc Aoba arrivait dans sa nouvelle entreprise où il commençait à développer ses compétences dans la programmation. Enfin pas la programmation, c'était plutôt de la modélisation 3D de personnages. Et donc là on est sur la saison 2 où il se lance dans un nouveau jeu et donc il y a des nouveaux personnages qui vont arriver. Moi j'ai une question avant que tu continues. Oui. Comment vous faites pour trouver tous ces putains de sites? Je sais pas, franchement, toutes les infos. Faut pas me demander la question, faut pas poser la question. Moi, c'est juste une question de Béotien. Parce que moi je me rends compte que. De Béotien. Parce que moi j'y connais rien. Mais à chaque fois que je tombe sur un truc, je me dis putain, mais ouais, ça vaut le coup de se pencher dessus, ça vaut le coup de regarder. C'est joli graphiquement, il y a des histoires, il y a un petit peu de tout, il y a toutes les émotions. Mmais comment vous faites pour trouver ça? Ah non, mais lui. C'est parce que vous... Non, mais c'est vous au sens général, mais vous qui aimez ça, c'est quoi la démarche pour trouver? Quand il y a un truc que tu cherches et que tu n'arrives pas à trouver, comment tu fais? Alors moi, je marque hashtag banal. Ah non, ça c'est... Lui, il va sur AliExpress. Ouais, moi, non, mais AliExpress. Lui, on sait qu'il est... Et après, une fois que j'ai fini, je suis sur hashtag anal. Mais je sais pas, je veux dire, tu vois, j'aime un anime, je veux me renseigner. J'aime un anal. C'est quoi les premières sources où je vais aller chercher pour trouver des informations? Bah, moi, mes sources, ça va être Neko-san. Explique-moi. Neko-san, N-E-K-O. N-E-K-O-S-A-N. Allez, voilà, tu vois. C'est un site français où tu vois toutes les sorties journalières d'animés. D'accord. Voilà. Et il te disait si c'est licencié ou pas. Donc, si c'est licencié, il te renvoie sur le site. Si c'est pas licencié, il faut un tiret. Neko-san, je crois. Il faut mettre un tiret. Sinon, t'as pas le bon site. Nikosan YouTube non, Facebook non plus. Ok, donc tu vas sur Nikosan, admettons, tu trouves ce que tu veux. Admettons. Là, sur Nikosan, t'as pas ce que tu veux. Là, je vois toutes les sorties. Ah, là, ta porte. Je vois toutes les sorties, et notamment, ils ont également un planning des sorties. Donc, chaque saison, t'as un planning avec tout ce qui va sortir cette saison. Qui est sur. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle le site. Mais qui est basé de toute façon sur MyAnimeList. Quoi qu'il arrive, quand tu recherches des trucs sur l'animation, sur les sorties animées, tu finis très vite par retomber sur MyAnimeList parce que c'est le plus gros agrégateur. C'est un anglais, donc il faut être à l'aise avec. Donc en fait, la base, c'est à la limite, prends un raccourci, va sur MyAnimeList et tu trouves quelque chose. Là, tu trouveras toutes les infos. C'est juste ce que je voulais savoir. Tu vas voir tous les teasers, tous les trailers, tu vas voir tous les news. Là, direct, il va dans les favoris des mangas. Vraiment, toutes les infos, c'est là-dessus que tu... Et là, on dit merci Asto. Merci Asto. Au moins pour cette info. Merci Jacques Michel. Non, mais non, merde. Sors tout de suite. Mais je comprends même pas que quelqu'un n'est pas encore sorti. Je te jure, si je m'occupe de toi, ça va te faire drôle. Non, mais si on le sort, on perd la moitié de l'équipement, donc du coup. C'est pas grave. Moi, je suis prêt à m'investir. Je reprends le micro. Hein. Je suis prêt à m'investir, je suis même prêt à donner de ma personne. Alors. T'as vu le blanc qui a marqué quand même. Il y a des blancs, c'est raciste. Ouais, mais c'est approuvé par Donald Trump. Donald Trump. Vas-y Asto, excuse-moi. Ouais, j'ai presque fini, hein, attention. Et courage. Tu as presque fait un épisode Asto tout seul. Ouais, je sais bien. 1h13, ça va. Allez, on va continuer chez Crunchyroll avec Classroom of the Elite. Donc c'est un animé qui m'a été recommandé par un pote de World of Warcraft. Et... On pensait que c'est une personne connue. Non, non, bon, un pote de WoW. Et donc j'y ai jeté un œil et j'ai beaucoup accroché. Kiyotaka Ayanakoji intègre le prestigieux lycée de haut niveau de Tokyo où, une fois le diplôme en poche, quasiment 100% des élèves trouvent un travail. Quasiment 100% ou sont reçus à l'université. Pas de chance, ils se retrouvent dans la seconde D où finissent tous les élèves à problème. Mais au bout d'un mois, il fait l'amour à sa maman. Ayanokoji et ses camarades de classe découvrent l'envers du décor et le terrible système sur lequel repose le fonctionnement de cette école. En fait, ils se retrouvent dans un lycée très prestigieux où on donne au premier mois, en tout cas, on leur dit vous avez 100 000 yens. Ça fait quand même beaucoup de sous. Ça en fait des putes de luxe. 100 000 yens, donc tu le divises à peu près par 100, on va dire, ouais. En arrondi. Donc, ça fait 8 000 euros. Ouais. Sur une année. Ouais. Non, on leur a dit... Eh, 8 000 euros par mois, mais les putes que je veux par mois. On leur dit pas par mois. On leur dit pour ce mois-ci. On vous donne 100 000 yens pour ce mois-ci. Et en fait, ils se disent, mais c'est la fête, c'est trop bien ce lycée et tout. On est super... C'est vraiment le lycée de l'élite et tout. Et bon, il y en a qui ne pensent pas forcément, il y en a qui vraiment dépensent comme des gros bâtards. Le souci, c'est que le mois suivant, ils se retrouvent avec zéro. Mmh. Sachant qu'ils peuvent pas sortir de l'enceinte du truc, qu'ils ont vraiment la supérette, tout dans le truc. Donc les mecs qui ont zéro, ils peuvent plus acheter à bouffer. Ils peuvent plus rien faire. Je crois qu'eux, ils sont fait un ouf. Et en fait, l'argent que tu reçois est basé sur tes notes. Voilà. D'accord. Donc ils se rendent compte de l'envers du décor et de la galère dans laquelle ils sont. Genre l'élitisme. Ça me fait penser au. Moi ça me fait penser à Bac à test, mais. Moi ça fait penser à la politique française. Pardon. Non, c'est dans Bakuman où il y a une histoire qu'ils écrivent sur un petit peu c'est l'argent et. Trop cher. Le monde est régi par l'argent et le pouvoir. C'est ça. Le téléphone. C'est au tout début. Oui, c'est dans les premières histoires qu'ils écrivent. Ouais. Ça me fait penser à ça au niveau de la thématique. Donc un animé sur Crunchyroll qui est très très sympa, sur lequel j'ai beaucoup adhéré, où tous les épisodes ont un nom, le nom d'épisode est tiré d'une citation philosophique quelconque en fait. Ça a toujours un peu un rapport avec l'épisode, mais c'est toujours une citation philosophique. C'était ça qui est passé sur No Life, non? Sur l'argent? Oui, le manga avec les traders qui était pas mal en fait. Oui, c'était... Oui, si Destiny ou. Ouais, Destiny. Oui, je vois le truc avec l'argent et qui monte dans un monde parallèle. Ouais. C'était pas mal, c'est une très bonne idée en fait. Là, ça me fait penser à ça, tu vois. Là, ça me sauce niveau. Peut-être. Peut-être. On arrive presque au bout. Ah, le bout du bout, le bout du bout. In another world with my smartphone. Après avoir été tué accidentellement par Dieu. Accidentellement par Dieu. Ouais, Toya, Ouais, c'est ça. Toya Moshizuki se retrouve projeté dans un monde fantastique. Dans sa vie précédente, il n'a gardé que son corps et son smartphone. Il l'utilise pour régler des problèmes et venir en aide aux charmantes personnes qu'il croise. Dans ce monde, Toya est devenu quelqu'un d'important et possède aussi certains pouvoirs. Bah, c'est les mangas. Donc, ça commence par le mec, il est devant Dieu. Et t'as Dieu qui s'excuse parce qu'il est... Dieu qui s'excuse. Ouais, parce qu'en fait c'est Dieu qui l'a tué, mais de manière accidentelle, et il voulait s'entraîner à balancer des éclairs et en fait il a foudroyé le mec. Ah mais c'est vraiment ce que je faisais en plus. Dieu ne s'excuse jamais. Dieu est infaillible. Du coup le mec il est là, bon ben je suis désolé, mais tout ce que je peux te réincarner, mais pas dans ton monde, je peux te réincarner dans un autre monde si tu veux. Il fait ouais. Tu connais les succubes avec les conseils. Et le mec est super sympa, il le prend super à la cool, il fait non mais je comprends quoi, bon t'as voulu t'entraîner à balancer des éclairs, bon ça peut arriver. Et c'est logique. Voilà, normal, logique. Legit. Donc le mec finit par se faire réincarner dans ce monde parallèle et il choisit de garder avec lui son smartphone. Il avait droit de prendre autre truc à lui, il fait je peux prendre mon smartphone, il dit à Dieu, je pourrais l'utiliser dans mon autre monde, et lui il fait oui, y a pas de souci, tu pourras même m'appeler avec, par contre tu ne pourras pas communiquer avec le monde duquel tu viens toi. Mais ouais, tu peux prendre ton smartphone, tu pourras même le recharger par la magie, tu vois, il y a de la magie dans ce monde, c'est super cool et tout. C'est bon la vie. Donc il se retrouve dans ce nouveau monde. Ta gueule, c'est magique. Et, et en fait, il va se rendre compte assez rapidement que il possédait des pouvoirs un peu extrêmes. Enfin, pas extrêmes, mais plus extrêmes que la plupart des gens. C'est-à-dire que dans ce monde, il existe plusieurs types de magie, donc l'eau, la terre, l'air, le feu. Avatar. Le gaz. Voilà. Donc, le gaz. Donc il y a ces quatre-là, plus la lumière. Le gaz, n'est-ce pas? Cyclone B. La lumière, le... L'impécrite. Il y a la lumière, le... je crois la magie d'ombre ou un truc comme ça. Oui, l'ombre, ouais, souvent ça c'est... Et la magie de néant. Donc en général, soit les gens, comme soit les gens maîtrisent tous la magie de néant, mais en fait ils ne maîtrisent qu'une seule magie de néant qui leur est personnelle. Personne d'autre dans le monde n'a la même magie de néant qu'eux. Ça va être ah bah, d'un chacun coup, j'ai, le... ouais, j'ai c'est la ça. Musique personne dans le monde. Tout dans le monde. Ça, c'est Arnold et Willy. C'est Arnold et Willy, ouais, c'est ça. Personne dans le monde. N'a le même trou du cul. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les différences. Oui, les différences, oui. N'ont pas d'importance. Tout ça, il faut une série où tout le monde est. C'est vrai. C'est Mika Dupuis, c'est 80's Love Podcast qui faisait une analyse là-dessus, qui disait en fait, si tu écoutes bien et si tu regardes l'analyse de la série, c'est hyper glauque quoi. C'est deux noirs adaptés par des blancs richissimes de Brooklyn, enfin deux noirs de Brooklyn adaptés par deux blancs, enfin des bleus, une famille blanche. De Manhattan, t'es là, tu fais ok. Ils te font le panel de Punky Brewster. Mmh, c'est pas. À la fin, si t'es pas neurasthénique, tu fais oh, c'est bon, je vais chercher une picouse et puis je m'en mets une bonne derrière la tête. Allez, terminé. Vas-y, enchaîne. C'était le moment humoristique. Donc, ce mec se retrouve à maîtriser normalement les êtres, entre guillemets, les plus magiquement puissants dans la magie, arrive à maîtriser trois éléments. Parmi donc la terre, l'air, l'eau, le feu, la lumière et l'ombre, ils arrivent à maîtriser trois. Bah lui, il les a tous. C'est l'avatar. Voilà. C'est l'avatar. Plus, en plus de ça, il maîtrise toutes les magies de néant. Donc les magies de néant qui sont censées être personnelles à personne d'autre dans le monde. Bah lui, à partir du moment où il a ma connaissance, il peut la maîtriser. Voilà. Par exemple, il maîtrise la magie qui s'appelle Gate, qui lui permet d'ouvrir un portail vers un endroit qu'il a déjà visité. Ah, c'est un magicien. Comme Dose, mais pas pareil. La magie de néant qui s'appelle Sleep. Qu'il utilise beaucoup en combat, qui permet de supprimer les frottements. Donc les mecs se pètent la gueule. Donc dès qu'il Asmod, c'est le Elon Musk du. J'enlève les frottements. J'aime la référence. J'enlève les frottements. C'est l'hyperloop. Ouais, c'est ça. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui lui cherche la merde ou qu'il a merde, bah, il fait ça. Il enlève les frottements. Alors que des fois, on aime les frottements et le mec se pète la gueule parce qu'il n'a plus du tout d'adhérence. Et oui, parce que s'il y a frottement, il y a adhérence. Exactement. Et s'il y a adhérence, il y a plaisir. Bah ça dépend. Toi, déjà, faudrait que tu touches les bords. Mais bon. Chacun son truc. On est obligé de prendre comme sociétaire. Bah maintenant c'est drôle. Ah mais t'as voté. Il y a Jean-Jean qui était moi et les deux autres aussi. Hein, donc, Jean-Jean valide alors. Ah mais si Jean-Jean valide, franchement moi déjà. Donc on est quand même sur. Faut quand même prendre en compte que c'est vraiment du harem. Donc le mec va se retrouver très rapidement entouré de. Je crois que là il doit avoir. Il en a toujours 4 minimum autour de lui, des filles. Hein. C'était toujours une de plus comme quand il en a pas 7, minimum, voire 9, 10, 11. Ouais, ah oui, c'est beaucoup plus comme moi. Il peut en avoir beaucoup de filles autour de lui. Parce que forcément, avec tous ses pouvoirs, il va devenir pote avec le roi. Donc le roi va vouloir marier avec sa fille avec lui. Kingdom 9. Puis le frère du roi va vouloir aussi marier sa fille. Tout le monde veut se marier avec lui. Merde. Bon, après, c'est vachement humoristique. C'est très sympa. Et dernier animé que j'ai vu pendant la saison. Été, donc toute la saison qui est toujours en cours au moment où on enregistre, toujours chez Crunchyroll, qui s'appelle Gamer. C'est pas normal, vraiment. Le lycée Otobuki possède un club rassemblant des passionnés de jeux vidéo. On y trouve parmi eux Keita Amano, un jeune garçon seul qui joue régulièrement. Karen Tendo, la jolie présidente du club, mais aussi Chiaki Oshinomori, Segata, qui se bat constamment avec Keita, et enfin Tasuku Uehara, qui s'efforce de dissimuler sa passion. Donc on va suivre un peu l'aventure de ce groupe de joueurs, plus ou moins gros joueurs, qui vont se lier d'amitié entre eux, et plus si affinité. Toujours ultra humoristique, beaucoup dans le quiproquo. C'est tout le temps du quiproquo, tout le temps du misunderstood. Enfin, c'est vraiment des mots intelligents dans cet épisode. Vraiment débile à ce fuck aussi au niveau des quiproquos. Tu te dis putain, mais comment ils peuvent penser ça? Mais c'est très très très très marrant. Je vais quand même faire un petit point sur les animés de l'automne, même si même si là ça n'a pas encore commencé, mais ça devrait commencer d'ici 2 semaines. Au moment où on enregistre. Oui. T'as la bise du jeune, mon Jean-Jean. Mais quoi, t'as levé la main hein. Tu lui rends. Oui. Il croyait qu'on allait au hockey ce soir. Donc forcément, L'anime que je vais le plus suivre cet été, ça va être Shokugeki no Soma San no Sora, c'est-à-dire Food Wars. Ah oui. L'orgasme à la côte de bœuf. Voilà, l'orgasme à la côte de bœuf. La saison 3 de Food Wars, qui... Alors, la saison 1 et 2 étaient sur ADN, la saison 3 va être sur Crunchyroll. Ah bon. Elle sera aussi, a priori, elle sera aussi sur ADN, mais elle sera sur Crunchyroll. D'accord. Donc, c'est une bonne nouvelle, puisque sur ADN, elle était en catalogue payant. Si vous voulez aller voir les deux premières saisons de Shokugeki no Soma, vous pouvez voir, je crois, que le premier épisode de la saison 1, après, il faut l'abonnement. Mais attends, du coup, ça veut dire qu'ils sont sur deux plateformes différentes? Oui, donc ils ont... Mais je sais pas s'ils seront sur ADN, mais je sais que c'est Crunchyroll qui a eu les droits pour la saison 3. D'accord. Donc, toujours du food porn, avec des orgasmes, avec des trucs qui donnent... Un vœu qui en voilà. Ouf. Et la tequila, t'es là. Des boîtes, hein. Deuxième anime que je vais suivre pendant cette saison, ça va être la saison 2 de Sangatsu no Lion. Je vous avais dit que je vous en reparlerai. Donc le mec qui joue au shogi et qui a une vie à se pendre parce que sa famille est morte il y a déjà très longtemps. La joie, quoi. Le bonheur. En même temps, moi je serais content parce que ça fait moins de parts d'impôts à payer. Ouais, enfin, après, je dis ça. Le mec est collégien, il a 17 ans, quoi. Donc, je vais être classé de vénal, mais oui, mais il prépare l'avenir. Tu es un avion. Donc je passerai vite sur ces deux-là parce que je vous en ai déjà parlé dans Sangatsu no Lion, je vous en ai déjà parlé là. Comme Gandalf sur ses copines. Food Wars, je vous en ai déjà parlé dans d'autres trucs. Ah oui. Des copines, c'était pas vraiment des copines. Vous parlez de Yu-Gi-Oh! Holder, donc c'est une adaptation d'un manga qui sera chez Wakanim, ayant toujours vécu dans un village en compagnie de campagne calme et paisible. Tota Konoe ne rêve que d'une chose, rejoindre la capitale et devenir célèbre. Pour ce faire, le jeune homme doit d'abord réussir à battre sa tutrice, Yuki Hime, une magicienne émérite. Un jour, alors qu'il la combattait à l'aide de deux de ses proches camarades, un chasseur de primes fait son apparition, venant ainsi briser la paix du village. Voici l'histoire de personnes devenues de vrais vauriens. Donc ça, c'est un manga qui m'a toujours un peu donné envie. Je me suis toujours dit, tiens, ça serait cool que j'y jette un œil. Il y a une adaptation animée qui arrive, donc je vais sûrement m'y intéresser. Deuxième animé qui va m'intéresser aussi, en plus des autres que je vous ai dit avant, Diasirai, qui sera chez Crunchyroll. Nous sommes dans un monde où la seconde guerre mondiale ne s'est pas déroulée de la même manière que la nôtre. Oh non ! Le 1er mai 45, à Berlin, l'armée rouge hisse le drapeau soviétique. Au même moment, un groupe d'officiers nazis tente d'accomplir un rituel qui cause la destruction de la ville afin de faire revenir l'ordre des 13 lances. Ce groupe sera composé d'hommes surhumains apportant avec eux la destruction du monde. Des années plus tard, personne ne sait si ce rituel fut réussi et ce que sont devenus ces officiers concernés. Nous sommes désormais à notre époque, en décembre, dans une ville japonaise de Suwahara. C'est ici que vit Ren Fuji, un adolescent qui est depuis 2 mois à l'hôpital après avoir été subitement agressé par son ami Shiro Yusa qui a failli le tuer. Depuis, il fait le même rêve toutes les nuits, où il voit des meurtriers affronter des chevaliers. Un jour, il se souvient des paroles de son ami qui disait que ceux qui restent à Suwahara devenaient fous. Qu'est-ce que ces paroles et son rêve signifient? De nombreux événements sont sur le point de se produire. Hélène va se retrouver mêlée à tout ça. Ça sent dans le manga. Oui, si tu le dis, pourquoi pas. Et enfin, un truc que j'ai vu que tu avais dans ta bibliothèque, Black Clover. Je crois que tu avais les premiers tomes là-haut. Tu l'avais payé pas cher, pour le truc de la BD. Ah oui, là-bas, oui. Il y a une promotion, il y avait eu les... 24 heures de la BD. Les 24 heures de la BD. Où je suis pas assez ivre pour oublier ça. T'as les mangas, BD et comics qui sont proposés à 1€. Pendant un week-end. Putain, ça vaut le coup. Donc, t'as plein de découvertes. Enfin, pas tout. Hein. Voilà. Pour faire une petite. Si ça te permet de découvrir. Ça m'a fait très penser à Fairy Tail. Ah, d'accord. Voilà. C'est dans le même genre. Ouais, c'est un peu le même. C'est. Voilà, après, si. Soit tu prends la copie, soit tu prends l'original, ouais. C'est. Voilà. Je jetterai un œil. Oui. Parce que c'est un titre que je vois beaucoup passer, Black Clover. Ouais. Je dis voilà. Donc, dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta. On grandit ensemble avec un seul but en tête, devenir le prochain empereur mage du royaume de Clover. Yeah. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manier la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à 4 feuilles, tandis que tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Brecouille. Or, plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à quatre feuilles surgit devant lui, un grimoire d'anti-magie. Magie. Voilà, et je vais également vous donner juste deux titres qui sont les mentions auxquelles je jetterai un œil. Ce sera Just Because, vous pouvez aller voir sur MyAnimeList si vous voulez voir un petit peu de quoi ça parle. Donc Just Because et Boku no Kanojo ga Majime Sugiru Shoujo Beach na Ken. Voilà. Ok, je vais aller voir. All New Universe Marvel No. Je ris pas parce que j'ai envie d'aller pisser. Just because... Et je me dis qu'il me reste encore mon dossier, mon quiz à faire. Just Because qui a l'air d'être un truc un peu drame assez sérieux. Et l'autre, Boku no Kanojo ga Majime Sugiru Shoujo Bichinaken, qui a l'air d'être un truc un peu plus un peu plus what the fuck, un peu plus détente, un peu plus voilà. Et tu tues le game là. Et donc dans tout ça, à la fin, s'il y en avait un à retenir, ce serait quoi? Je te dirais Kuzu no Ankai. Kuzu no Ankai. Tu peux juste rappeler ouais, ce que c'est exactement, parce que moi, dans toute la nuée, je suis pas connaisseur. Ou il faut que je te fasse un dessin des... Non, juste rappeler le pitch, ce que tu as fait, parce que moi, je m'en souviens pas. Alors, c'est Mugi et Anabi qui donnent l'impression d'un couple parfait, mais en fait, ils sont tous les deux amoureux, chacun de leur professeur. Oui, oui, d'accord, ok, très bien. Ça, faudra le mettre dans le poste, parce que c'est un truc qu'il faut que j'aille voir, du coup. Parce que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est vachement plus mature dans le... Ça a l'air plus complexe. C'est plus complexe, c'est plus mature ouais. Dans la description des relations humaines et des sentiments amoureux qu'il peut y avoir entre les gens. C'est, voilà, il y a un personnage, il y a un personnage qui est vraiment salope. Vraiment, ouais, c'est vraiment une salope, quoi. Ouais. Donc elle est vraiment décrite comme ça et voilà, c'est pour ça que c'est beaucoup plus mature, en fait. D'accord. Et c'est vraiment ça qui m'a accroché. Allez, moi je vais partir là-dessus. Alors du coup, sans transition aucune, à part le jingle que je vais lancer dans quelques instants, bah, ça va être les questions aux invités. Encore ? À nouveau ? Bah, un par épisode. On peut prendre la même ? Non. Pas le temps de réfléchir. Allez viens. Alors du coup on a commencé tout à l'heure par Jonjon et je prends bien le temps d'articuler pour dire que c'est Tocheux qui va commencer. Donc toujours pareil, un chiffre entre 1 et 78 et pas le 33 et pas le 45. Alors 33 j'ai fait... Quoi ? Ils s'en rappellent, oui. Non, mais parce que je les ai cochés sur les doigts, je suis pas con quand même. Non, mais moi je m'en souviens aussi. Tiens, 59 parce que c'est le Nord. Oh merde. 59 parce que bah c'est... oui, j'ai fait 33 la Gironde, 59 parce que c'est le Nord. Et t'aurais été à 76, j'aurais fait la Seine-Maritime. Ouais, j'aurais pu faire 14 avec le Calvados. Alors, donc c'est une question. Ça doit être de Randall Flagg. Non, ça doit être de moi justement parce qu'il n'y a pas d'initiale. Donc, faut-il serrer la main des gens qui n'ont pas de bras ? Non, moi je dirais qu'un coup de tête ça suffit. Mais pile entre les deux yeux et pile sur l'arête du nez. Ah, mais faut bien serrer quelque chose quand même. Non, moi je serre à rien. Les dents. Non, moi je serre les dents. Non, un bon coup de tête entre les deux yeux ça suffit. Non, sérieusement, t'as pas besoin de serrer la poigne à quelqu'un que t'apprécies pas. De la même manière, je serre la poigne. Quand tu suces quelqu'un, faut toujours serrer les dents. Non, jamais, non, faut pas rayer le casque. Non, sincèrement, moi je serre la main à ceux que j'estime et je fais la bise à ceux que j'aime. Voilà. Et Jonjon, ta question. Ah oui, Ah oui. 27. L'heure. 27 départements de l'heure, exactement. Si, la patrie. Donc c'est une question de Randall Flagg. Ouais, départ. Si une voiture va à la vitesse de la lumière, est-ce que ses phares éclairent? Moi je dirais qu'il faut demander au doc. Oh, putain. Il n'y a que lui qui est capable de répondre. Vous allez trop loin les gars. Ah non, mais il m'a sorti une série de questions. Moi que j'ai lu le coup du boomerang, mais j'étais Moi je dirais que ça dépend où est placé celui qui regarde l'action. Oh non, mais tu lui as grillé une réponse, maintenant il dit quoi? Ah bah il dit ah qu'il non, veut. Faut qu'il trouve une réponse. J'en sais foutrement rien. Merci. Mais ouais. Mais ouais. Je sais pas, rien, mais ouais. Ouais. Je sais pas, okay. Mais ouais. Alors, elle éclairera peut-être pas loin, parce que je sais pas trop déterminer si la portée de la lumière est... Bah, la... supérieure à la portée de la lumière. Par contre, il y aura toujours l'éclat au minimum. La voiture va à la vitesse de la lumière. Ouais. C'est phare. Éclaire aussi à la vitesse de la lumière. Ouais. Ouais, mais il passe par... Ça dépend. Il passe par un milieu... Bah non, c'est de la lumière, donc... Non, c'est de la lumière. C'est... Faut toujours se placer dans le... proportionnellement au mouvement. Dans quelle référence? Si, t'es dans la... si oui, le voilà. Référentiel, c'est la voiture, t'éclaires toujours devant toi. Si le référentiel, oui. C'est celui qui observe à un moment donné et qui voit la voiture se déplacer à la vitesse de la lumière, je sais pas. Il voit les phares après la voiture. Ouais, mais les lumières des phares passent par un milieu non miscible. C'est vrai qu'elle a ralenti. Bah non, la voiture se déplace à la vitesse de la lumière. Bah non, normalement, ça fait masse. Où tu passes dans les phares, t'as une masse globale. Ralentie. Si elle éclaire. Si elle... C'est-à-dire que tu vas plus vite que la lumière que t'éclaires. tu sais ce qu'on va faire. Non, tu sais ce qu'on va faire. On va demander à Randall de répondre. Parce que c'est bien joli de poser des questions à la con. Mais il y a un moment. Alors il y a Lily57. Sur le chat tech, je sais. Lily57. Salut, bah, Lily57. Mais bonjour. Ouais, Revan lui dit bonjour, bonsoir copine. Je sais pas si Revan la connaît. Ah, bah ça doit être de Revan. Ah, Revan nous met un statut Twitter. Toi aussi, vas-y, fais-le. Ah, la sortie. Revan a sorti le saucisson et le calendos. On la salue. Ah oui, effectivement. Ah, mais tu vois, tu aurais pu couper ton pain au lieu de le couper en tranches, tu le coupais en deux. Tu le tartinais un tout petit peu, tu faisais des petites tranchettes, tu passais ça au four et tu faisais un petit préfou gentil. Ouais, mais là, tu vois, du coup, vu que c'est tranché, on va dire... Non, mais là, comme ça, ça me parle. Elle peut mettre une tranche de saucisson et une tranche de fromage. Ouais, ouais, ça se tient. Bon, sinon, les phares. Alors, sinon, les phares. En parlant de phares. Je suis un peu capable de dire la distance à laquelle ils vont éclairer, mais oui, ils vont quand même éclairer un minimum. La lumière étant là, elle est là. Ils vont éclairer. Et là, et là. Derrière, devant, l'ampoule, en fait. Ils vont juste éclairer jusqu'au bout de l'ampoule, puisqu'ils vont à la même vitesse. Vu qu'ils vont à la même vitesse. Donc, en fait, elle éclaire derrière. Ben non. Non. Non. Ça dépend dans quelle référence tu es. Ben non, c'est un tout. Ben oui, mais voilà. C'est un tout. Voilà, c'est ça ta réponse. Est-ce qu'on te prend en compte le temps restant de l'image dans la rétine de l'œil ou Ah, tu prends la persistance. Bah oui, mais la persistance rétinienne est beaucoup plus lente que le déplacement de la lumière. Donc en fait, la rétine, la cas, persistance oui. rétinienne, dans ce cas, oui. Tu vois les phares derrière la voiture. Toi aussi, c'est oui, Moi, je sais même pas si tu les vois. Est-ce qu'on parle des phares avant ou des phares arrière? C'est les phares avant. Ah, on parle du blanc ou du rouge? Les phares avant, des phares avec de l'énergie éolienne ou... Les phares avant ou les phares arrière? Ou le pare-choc? Ah, parce que le pare-choc... Hashtag animé japonais. Ils sont gentils en plein apéro, des heures, mais gentils. Bah oui, mais c'est qu'est-ce que tu veux. Et en même temps, t'es prévenu. Il n'y a pas escroquerie. On dit apéro original. On va pas avoir de l'eau. Ouais, franchement, oui, d'accord, heures, on a commencé heures, à 14h, voilà. D'accord, on fait l'apéro. On a commencé à râler. Mais merde, on est dans le sud-ouest, quand hein, si ça te plaît pas, reste à Paris. Putain, con. Bon, du coup, vu que vous avez répondu héroïquement aux deux questions, hein, je brandis même mon point en l'air, on va passer à l'enculerie de monsieur Gandalf. Attends, il y avait pas un truc? Une autre question de Randolph? Non. Moi j'ai que ça. Bah non. Enfin. Elle a déjà écouté Oula avec moi? Ah oui, ok. D'accord. Ah, c'est après. C'est après. Ah, il y a un truc un peu ça. Oui. Donc du coup, bah jingle. Je peux même guider la vie. Oh, tu peux. Toucher, c'est le pire. Hein. Putain, merci Revan. Ça fait plaisir quand je gratte. Non, mais à couper, ça va encore tourner au Non, mais toi, t'es petit joueur. Hein. Oh, mais j'imagine. C'est moi qui dois prendre la relève, c'est ça? Oui. Bah, c'est ça, le jingle est passé, donc le jingle c'est bien. C'est bien parce que tu mets l'écouteur à la fin du jingle. Ah, je l'avais avant en fait, j'ai le temps de réaction qui est un peu trop. Alors je sais pas si on l'avait teasé à l'intro, non je pense pas, parce qu'en fait on fait des intros de merde. Non, attends, tu peux pas dire ça, c'est alors, une intro de merde, j'ai bossé, il hein, y a eu du montage sonore. Oui, c'est vrai, par contre. J'ai fait une faute, mais je vais vous parler des célébrités criminelles. Alors, je vais pas vous parler des criminels célèbres. Genre, Émile Louis, par exemple, hein, pour ne citer que lui. Hein. Voilà. ou Jean-Pierre Trébert, pour ne citer que lui, ou je sais pas, Youssouf Fofana, pour ne citer que lui. Luca Magnotta. Voilà, pareil. Oh oui, bien. Le cannibale de Montréal. Ouais, qui l'aimait son qui s'est marié il y a pas longtemps. C'est vrai? Ouais, il voulait un casse-croûte à portée de main, donc du coup, il s'est dit, tiens, je vais le marier. Eh, tu vois pas les trucs. Alors en fait, je vais vous parler des célébrités, donc des gens célèbres, qui ont quand même un petit passé judiciaire. Donc, je vais vous donner des indices, il va falloir retrouver quelle est cette personne. Allez, c'est parti. Bon, majoritairement, c'est des acteurs. Hein? Majoritairement, c'est des acteurs. Ou actrices, hein, mais c'est des gens du cinéma. Par exemple, je vais vous dire les infiltrés. Jack Nicholson? Vas-y, attends. Leonardo DiCaprio, Matt Damon? Non, je l'ai fait les trois, là. Ouais, je vais vous donner des... Là, t'as eu les trois, là. J'ai même pas entendu, parce que... Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio et Matt Damon. Tu donnes le film, il faut trouver qui? Quoi? Il faut retrouver la personne qui est derrière. Enfin, ah oui, la célébrité d'accord. Criminelle. Donc je vais vous donner les infiltrés. Ah, donc ça s'inspire de faits réels et il faut trouver... Voilà, je vais vous donner des indices pour trouver la personne. D'accord. Bon, vinant les infiltrés, ça n'a pas suffi. Bah non, moi j'ai les acteurs, moi, mais j'ai pas le nom. Je donne ce qu'il y a dans Wikipédia. Donc, j'ai les acteurs, mais j'ai pas le nom, non. Max Payne, c'est un film. Oui, Keanu Reeves. Non. Non, c'est pas... bah c'est Matt Damon. Non, mais attends, c'est celui qui lui ressemble. Faut trouver l'acteur ou faut trouver la personne qui est censée incarner? C'est celui qui lui ressemble. Bah donc dans les infiltrés, j'avais les trois. C'est celui qui lui ressemble. Ah d'accord. À Max Payne. Max Payne version film ou version jeu? Non, version film. Il a joué dans le film de Ted et dans le film Transformers, les deux derniers. C'est Matt Damon. Non. Mais comment il s'appelle? C'est celui qui joue dans Sniper et dans La Planète des Singes. Matt LeBlanc. Non, pas Matt LeBlanc. Mark Wahlberg. Oui, Mark Wahlberg. Oui. Ah, je vais encore vous piner là-dessus, les gars. Donc, en fait, Mark Wahlberg, en fait, quand il était plus jeune, il a décidé de s'attaquer à des Vietnamiens. Ces Vietnamiens n'avaient rien fait. Il a attaqué le premier homme avec un bâton et a frappé le second, le laissant définitivement aveugle. Platoon? Ah mais pour de vrai, hein. Attends, non. Ah oui, non, c'est... D'accord. C'est vraiment ce que je vous dis derrière, c'est vraiment ce qu'ils ont fait. D'accord. Donc là, le second, vous allez trouver Axe. Très rapidement. Je vais vous parler de Bad Boy. Will Smith. Très bien. En 1999, donc mon âge, pour ne pas le citer, jugé... 1999 ans, putain. Ouais. En 1999, jugé coupable de violence aggravée et organisée en bande, il a passé une nuit en prison pour avoir agressé et presque rendu aveugle un homme encore visiblement. L'aveuglité est une notion du show. Je ne bite rien. non, mais c'est rien. Je te jure, je peux. Mais non, mais c'est très simple en fait. Je vous donne un indice pour retrouver une personne qui a fini en taule ou presque. Une célébrité ou n'importe qui? Ah, mais une célébrité. Pas très connu. Bah attends, Mark Wahlberg et Will Smith, s'ils sont pas célèbres. Gascogne. Ils sont pas célèbres, je sais pas qui c'est. Hein. Franchement, je sais pas qui c'est. Hein. Quelqu'un qui a tabassé. Attends, qui a tabassé un mec qui a fini. Non. En rapport avec Will Smith? Ah non, mais c'est Will Smith qui a fait ça. Non, mais c'est trop tard, il a donné la réponse là en fait. Putain. Non, c'est pour ça. Alors, c'est ce que tu vas faire, tu vas reposer les bases. Alors, non, mais... on va s'arrêter, tu remets ton compteur à zéro. Parce que là, ça va pas. Il te donne des indices pour trouver une célébrité. Aurélie qui est en train de se taper une Guinness. Ce qu'a fait la célébrité. Santé, ma belle. Voilà. Par exemple, Mark Wahlberg, c'est ce que je te disais. Mark Wahlberg, il avait tabassé deux Vietnamiens qui n'avaient absolument rien fait. Le premier, il a tapé avec un bâton, mais le second, il a fait pareil, mais il a laissé presque quasiment la bouche. Ok, donc tu donnes l'indice du film. Pour vous aider, il faut trouver l'acteur et ou la personne célèbre, et cette personne célèbre a fait un truc qui est retourné au présent. Ok. Voilà. Et c'est ce que je dis. Donc Will Smith, il a été jugé coupable de violence aggravée, organisée en bande. Il a passé une nuit en prison. Violence? T'avais pas dit viol? Ah, mais non, comme c'est qui jouait là? C'était dans, moi qui 4 mariages, un enterrement. Ah! Arrête de me dire! Jackman! Non, pas Hugh Grant! Hugh Grant! Il s'est fait pomper! Ah, c'est vrai que toi, dès qu'on te parle de se faire pomper, ça y est, tu pètes. Premier! C'est top! Premier son pompage! Pourtant, tu as dit 4 mariages, il a fumé. Ouais! T'imagines si j'avais dit 4 pompages? 4 pompages! Mais déjà, un mariage, il est loin! Ah ouais! Il est parti loin! Parce que moi, le mariage et le pompage, alors là, je serais resté par contre, parce que 4 pompages, moi je vais tourner orange. I believe I can fly. Il faut que je finisse la tech. Kenny West. Fly. Mais non, le basketteur. Non, c'est. Jordan. Abdoulaye Vakim Fly. C'est. Merde. Comment il s'appelait? R. R. Kelly. R. Kelly. Ah oui, c'est très bien. Comme ça. C'est le seul que j'ai mis. Ouais. De ce genre, qu'est-ce parce que vous comprenez, bien que, vous comprenez bien que... Il a tabassé Rihanna. Non, c'est pas lui. Non, c'est alors, R. Kelly, jugé coupable de... jugé coupable de détournement de mineurs en 1996. Il a été jugé pour avoir couché et uriné... Ça, c'est... je l'ai pas fait. Uriné ? Non. Tiffany Hawking. J'aime bien la précision, ça, je l'ai pas fait. Alors qu'elle n'avait que 15 ans quand même, et lui 24 ans. C'est mais bon. Attends, mais c'est quoi le rapport avec l'urine là ? Je sais pas. C'est sexuel. Bah c'est un truc, c'est non, le... mais il y en a, ils sont pas bien. C'est le strange goal, tu vois, c'est le... Mais non, mais... C'est un déjà, peu, c'est déjà qu'ils attrapent une mineure, je comprends pas, mais qu'ils urinent... Dessus, hein. Je vais vous parler de l'IBM PC. Ouais. Vas-y, donne-nous une plus de vas-y, parce que là... Je vous laisse réfléchir déjà sur... Parce que là, déjà, PC. T'as dit IBM PC, tu nous as tous mis en PLS, donc... Bill Gates. Oui, Bill Gates. Garage. Bill Gates a été jugé en 1975 pour conduite sans permis. Oui. Mais alors ? Bah, c'était... Ah, oui. Non, non, non, mais c'est toujours... C'est, en fait, tu découvres Bill Gates et lui donne le fun fact voilà. Prisonnier. Donc, il est allé en tôle parce qu'il avait conduit sans permis. Après, j'ai vraiment sur une adolescente, bon, ça passe. Et c'est pas le même niveau. J'ai attrapé ce que j'ai attrapé, hein, comme dans la vraie vie. Hein, t'as ta bite. Allez, oh. C'est vrai que t'attrapes pas grand chose. Hein, alors je vais vous parler de. Tu fais gaffe, t'as la bibliothèque derrière toi, elle se rapproche. Au mieux, tu vas choper un bouquin, c'est déjà pas mal. Tu vas voir là, tu vas me faire le malin. Killer Joe. Oui, alors Killer Joe. Killer Joe. Cherche le nom, lecteur. C'est un film. Killer Joe, ça a été réalisé par le celui qui a fait l'Exorciste. Hein. Je vous laisse réfléchir un peu, je vous laisse un peu mijoter. Ah, c'est le réel ou les acteurs là, je cherche le rôle principal. Non, c'était pas Verhoeven, ouais. C'était... Ouais, ouais. Putain, là, il y a... si Laurent Doucet écoute, il va faire 4 tours dans son slip. Ah non, mais il écoute ça. Pas. Hein. Oh, non, là, tu m'entends. Willis, c'est un acteur qui était tombé en disgrâce pendant des années et qui est revenu un peu comme... je crois que je ne l'ai pas mis dans mon quiz. Il est revenu sur comme Robert Downey Jr. Ah donc, je pense à lui. Robert Downey Jr. Ouais, il a fait il a fait un peu la même carrière. Il a fait la traversée du désert. Alors déjà, ouais, si tu me dis Robert Downey Jr., c'est un acteur. Le mec qui fait Birdman. D'accord. Ah. Ah non, lui c'est la traversée du désert parce que c'était traversée du désert. Qui c'est qui a fait l'exercice. Or je peux donner un indice. C'est connu, en plus, je peux donner deux indices. Vous allez trouver direct. Interstellar, Trou Détective. Ah, Fassbender. Mais tu me donnes envie de se désolidariser du podcast. Non, putain, il est connu, putain, mais merde. Ouais, Matthew McConaughey. Oui. Ah, McConaughey. Alors, un de ses voisins a appelé la police pour nuisance sonore. Je suis là. Tout va bien. Tout va bien. Et cette dernière a trouvé l'acteur en train de danser chez lui, entouré de drogue. Il a évidemment été arrêté, mais relâché plus tard, car la police n'avait pas de mandat de perquisition lorsqu'il a trouvé la drogue. Voilà, petit coup de bol, hein, visiblement. La traversée du désert a été... alors, un nouvel acteur aussi. Doctor Who and the Curse of the Fatal Deaths. Non, je suis pas Doctor Who. À mon grand désespoir, j'ai pas le temps. Série moderne pas ou pas? Doctor Who and the Curse of the Fatal Deaths. C'est un rapport avec la dernière interprète de Doctor Who? And the Fatal Deaths, c'est un hors-série. Vous vous rappelez pas, c'est cette hors-série où le docteur meurt 4 fois à peu près, ou 3 fois dans le même épisode. Ah, David Tennant, tu peux, non? C'était pas David Tennant. Non, il meurt plusieurs fois dans le même épisode. Il meurt plusieurs fois dans le même épisode. Là, tu vois, quand il fait cette tête-là, c'est que tu l'agaces. Oui. Ah, t'as quand même. Attention, il y a les doigts qui poussent, là. Oui, je t'en avais parlé, tu l'as. Bah, c'est le... C'est pas l'anniversaire. Voilà. Ah, donc c'est le War Doctor, donc c'est... Non, c'est pas celui-là. Bah, après, donc il y a War Doctor, il y a Tennant. Il y a eu un épisode où il y a eu 4 docteurs. Dans le même truc, il y a eu 4 docteurs. Ça n'a pas été compté dans la vraie hiérarchie, ça a été pour rigoler que ça a été fait. Mais il y a eu 4 docteurs. Donc. Ah, c'est le film? Non. Bah, c'est l'anniversaire. Dans cet épisode, il y a Rowan Atkinson. Celui qui fait Mister. Ah, mais je l'ai pas vu. Ah bon? Putain. Ah. Et vous faites honte là. Rowan Atkinson là-dedans? Oui, oui. Mais oui, ah, il a fait le docteur, mais dans une version audio ou un truc du genre. Ah, mais dans cet épisode aussi. Dans le Doctor Who and the Curse of the Fatal Death, je l'ai vu, moi, il est vraiment énorme. Bon, il dure pas longtemps, il dure 20 minutes, c'est du gros what the fuck. Second Head, Bridget Jones et l'âge de raison. Attends, parce que du coup, il a fait quoi La dame? Ah mais Rowan Atkinson, il a fait quoi du coup? Ah non mais c'est pas lui hein, c'est pas lui hein. Ah c'est pas lui. C'est, je vous dis, dans cet épisode, il y a Rowan Atkinson et je crois qu'il y a même eu une femme. Donc la première incarnation d'une femme de Doctor Who, c'est lui en fait. Ah, ce n'est pas non, ce n'est pas Rowan Atkinson. Il a joué dans Bridget Jones et l'âge de raison. Hugh Grant. Hugh Grant. Voilà, c'est ça. Ça a été dit. Donc lui, parfois, il a été jugé coupable d'atteinte à la pudeur et de relations sexuelles en public avec une prostituée. Ah bah lui, oui, il s'est fait sucer dans sa bagnole carrément en pleine rue. Voilà. Alors je pense que ça va parler à pas mal de monde. Je vais parler de Demolition Man. Stallone? Non. Ouais, c'est Snipe. Ah, évasion fiscale. Voilà, très bien. Oui, ouais. Donc, il a Passager 57. Ouais, il a joué dans Les Blancs ne savent pas sauter. Je celui-là, je l'ai pas vu. Je suis l'incarnation. Bah, toi, tu sais rien sauter. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas que tu sais pas sauter, c'est que tu sais rien sauter. Et dans la saga Blade, évidemment, qui est plutôt bien. Ouais. Pour le 1. Ouais. À voir. Ils en sont combien, au 18e, au 19e? Ah non, ça a été arrêté après qu'ils soient là. Donc en 2006 quand même, admis, il a été admis coupable de fraude fiscale. Il avait gagné 26 millions de dollars grâce à ses fraudes. Donc, ouais, s'il les a gagnés, c'est pas de la fraude. Il y a un moment, il faut être... Ouais, non, il les a gagnés de façon frauduleuse. Ah, non. Si c'est frauduleux, il les a volés. Alors, ouais. S'il les a gagnés, il les a gagnés. Ouais. Alors, un mot, c'est un mot. Oui, tu as raison. Le prochain, c'est une position, alors pas la levrette, pas la brouette. La cuillère, Andromède. Running back. Running back. Tu joues au foot américain, toi, maintenant? Running back. Pacino, Al Pacino. Non, genre, je pensais à L'Enfer du Dimanche avec le running back. Très très bon film, d'ailleurs. Ouais. Pas ça. Surtout le moment où il perd l'œil. Running back. Oh putain, ça me parle. Il y a un homme d'une série américaine très connue. Big Bang Theory. Non. D'animation? Friends. Oui. Il a joué dans La Tour Infernale. Ah, le chinois. C'est un rôle très anecdotique, hein, pendant dans la Tour Infernale. Il a aussi joué... Ah oui, Steve McQueen. Mais pas le... Steve McQueen. Pas Montparnasse. Ah non, non. Oui, c'est pour ça. Bien plus anecdotique que ça. J'étais parti sur... Et il a joué dans... Y a-t-il un flic pour sauver la... Ah, mais j'ai pas son nom. Je le vois, mais j'ai pas son nom. Nelson Nelson. Non. Ah non, non. Alors moi je vous fous ta mère. Ouais, je le vois, mais. Pour ça, d'ailleurs. O.J. Simpson? Ouais. Ah bah oui, d'accord. Donc O.J. Simpson, en fait, c'est très simple. Ah bah lui, ça c'est. Ça se résume en deux lignes. Lui, c'est le top du gratin du panier de la laitance. C'est deux lignes qui font tout. C'est en plus du meurtre de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman en 1994, il a aussi été arrêté en 2007 pour un braquage de casino à Las Vegas. Oui, oui. Le gars a tout fait. Il manquait d'argent. Voilà. Donc vous verrez, j'ai pas tout fait, parce que vous savez, les viols, tout ça, moi c'est pas mon truc. C'était trop simple. Sauf si c'est sur les chevaux. Voilà. Et si c'était du tabac, c'était des rappeurs qui faisaient des trucs aussi, j'ai pas trop mis. Hein. C'était trop cliché, j'ai pas trop mis. Il y aurait eu trop de pages. Alors là, je sais que je vais vous perdre totalement, mais c'est pas grave. Toy Story. De Woody, là. Vers l'infini et au-delà. Non, donc du coup, ça veut dire un acteur qui joue dans Toy Story. Jojo se rapproche. Ah bah, tu dois... Buzz. Qu'est-ce que t'as dit, gros? Buzz Aldrin. Buzz Aldrin? Non. Ah non, mais... non, non. Quand je donne un indice, c'est pas un indice. Je vous le dirai si c'est un indice un peu loin. Non, non. Quand j'ai dit Toy Story, c'est que la personne a vraiment collaboré pour le film Toy Story. Donc c'est un doubleur. Toy Story, voilà. C'est quoi? C'est Pixar. Après, qu'est-ce qu'a fait du Bruce Willis? Mais c'est les doubleurs américains ou américains? Il n'y a pas du Bruce Willis. Alors les DVD... c'est un acteur très connu. Les DVD sont là-bas, donc si quelqu'un. Oui, mais Internet, aller, c'est juste là. Super Noël. Super Noël. Ah. Robert De Niro. Non, non, non. Merde, Super Noël. Putain, mais c'est un acteur. Galaxy... On voit sa tronche en plus. Galaxy Quest. Non, là, et la série très connue quand même, Papa Bricole. Ah, oui. Ah mais si, mais il a fait comment il s'appelle ce con? Je connais pas. Tim. Oui. Tim Schafer. Ah oui, je dis oui. Quel enculeur. Quelle saturation, quoi. Quel enculeur. T'as dit Super Noël, hein. Oui. C'est celui qui a toujours sa ceinture de outil là autour du ventre là. Ah, Bob le bricoleur. Non. Tim Allen. Tim Allen. Il a. S'il vous plaît. Putain, ça fait au moins 20 ans que je n'ai pas prononcé ce prénom. 2 ans et 4 mois de prison pour trafic de drogue. Ah ouais? Oui. Oh l'enculé. Pas mal, hein. C'est beau de se retrouver dans un Pixar après. Moi je dis pas mieux faire. Se retrouver dans un dessin animé après, je trouve ça super beau. Oh bah regarde chez nous, hein, maintenant pour être élu avec un mandat, il faut juste qu'ils aient un casier. Une casserole derrière le cul. Ouais, non, faut juste qu'ils soient déclarés. Super Mario. Pas en bande organisée. Super Mario. Super Mario. À noter que ça sera pour le dossier suivant. Non, mais Revan, dès que tu lui parles Super de Super Mario, message, tu, ça y est, tu le retiens. Alors on peut ça plus. Sera pour le dossier suivant. Là, ça va être hyper rapide. Des pistolets sexuels. Ah, les Sex Pistols. Les Sex Pistols. Voilà. Donc, c'est en fait Sid Vicious, le chanteur des Sex Pistols. Non, le bassiste, même c'était. Le bassiste des Sex Pistols a poignardé à mort sa petite amie, hein, Nancy. Ouais, mais si, elle est casse-couille. En 1978, il est mort d'une overdose avant le procès. Voilà, voilà. Qui c'est qui vote pour la circonstance atténuante? Moi. Voilà. Ok. C'est la majorité. Crime passionnel. Voilà. 3 pour 5, c'est bon. Alors là, par contre, c'est pas un acteur. Predator. Schwarzenegger. Non, c'est pas un acteur, il vient de dire. Toi, tu l'écoutes pas. C'est bah, il est pas acteur, il est gouverneur de Californie. Non, il était. Il est plus. Donc, je dis pas acteur, je dis Predator. Donc, les réalisateurs. Comics. Vous voulez voir ça ? Pièce de cristal et à la poursuivre d'Octobre Rouge. Non, c'est pas Oliver Stone. Et si vous connaissez pas là, franchement. Mais si, je connais, mais j'ai pas le nom en tête. John. John McClane. Non. Mais c'est le réalisateur. John McTiernan. Putain. Ah, bah, plus de cristal. John McClane. Donc j'ai cité trois films qu'il faut avoir vu au moins. À partir de 2006, impliqué dans une affaire d'écoute illégale, l'affaire Pelicano, de surcroît dans l'impossibilité de trouver des assurances pour tourner, il est contraint de mettre un terme à sa carrière de réalisateur, de mettre sa carrière de réalisateur de parenthèse. Il est accusé d'avoir menti sous serment à la FBI. Oh, ça c'est moche. Ça voilà. Il est en août 2012 condamné à un an de prison pour avoir vu son appel rejeté. Oh, bah il s'en sort bien. Hein. Oui, ça sort bien. Tu mens sous serment, tu prends que un an. Alors maintenant. Tu peux aller poser un cierge. Maintenant on change de catégorie parce qu'on en fait un peu des Américains. Eh, parce que moi ça va un peu plus vite, hein, je pense que lui. Oui, va plus vite. Va plus vite, c'est un conseil. Fais comme t'as l'habitude. Là, on change de catégorie, on passe chez les Frenchesh. Alors il y en a que trois. Les Frenchesh, mais c'est un peu plus long en termes de descriptif après. Ouais, il faut mal les trouver peut-être. Ouais, la vie est un long fleuve tranquille. Oh, Patrick Braoudet. Oh. Ça va être. Il fait souvent la lune. Parce que là, ça fait pas longtemps. Merde, putain, comment il s'appelle ce con? Son prénom commence par un B. Benoît Magimel. Oui, très bien. Il s'est fait arrêter il n'y a pas longtemps. Benoît Magimel, il était dans la vie d'un enfant tranquille. C'est Momo. C'était son premier, l'un des premiers films où il est jeune. Il est très jeune. C'est lui qui fait partie des échangers. Oui, c'est ça. C'est le fils. Tu le reconnais pas celui-là? Oui, c'est ça. Le tic. Enfin, l'écouteur, mais il a le tic comme ça. Il fait bien l'audio. Ah, merde. Il fait mieux que toi d'ailleurs. Donc, il fait mieux que toi, c'est bizarre. Hein. Je comprends pas. Non, mais toi c'est naturel, c'est pour ça, c'est franchement. Donc, après il a joué dans L'ennemi intime et Les petits mouchoirs. Ah, Les petits mouchoirs, grand film. Toi t'aurais dit Marseille. Ah oui, Marseille. Ok, on culerie ce truc. On va bâcher. Non, mais là. Si on commence à parler de grosses merdes comme Marseille, on va parler de Plus belle la vie. Non, arrêtez. C'est pas le même niveau, Marseille, c'est... Enfin, j'ai pas vu, mais c'est vraiment nul. Là, si on commence à attaquer le deep web, non. Je vais donc là, de suite, ça on commence à attaquer du bon descriptif. Donc, le 11 mars 2016, il est placé en garde à vue pour avoir renversé une femme de 62 ans sur le boulevard. Alors qu'il conduisait sans permis et une voiture de location. Oui. Sachez que la voiture dans laquelle on va le plus vite, c'est la voiture de location, bien évidemment. Top Gear approved. Il est accusé de délit de fuite, blessure involontaire et conduite malgré annulation de permis de conduire. Des traces de cocaïne ont été retrouvées dans les analyses faites sur l'acteur. L'ex-sexagénaire, blessé aux jambes, a été hospitalisé. En fait, si t'as des idées, mais t'as envie de rien dire. Non, mais pour je pas l'ai entendu cette histoire. Ah oui, non, mais lui, c'est un sketch à lui tout seul. Moi, j'ai en tête Nassemi, mais à mon avis, c'est pas ça. Mais je verrais bien Sami Nassemi. Mais oui, c'est... Fun fact. Vaisson. Voilà. En juin 2017, il est condamné en appel à 5000 euros d'amende pour fini, avoir renversé, renversé la piétonne. 5000 euros, c'est rien. Quand tu te fais péter les jambes, t'en as je sais pas combien de temps. et 1200 euros d'amende pour conduite sous stupéfiant. Oh putain, mais en septembre. Non, mais donne les films. C'était les acteurs internationaux. Ils donnaient les films. Non, ils donnent la description pour trouver le mec. Ouais, ça marche aussi. Franchement, lui, c'est. Là, j'en ai, c'est des sketchs à eux tout seul. C'est des sketchs à eux tout seul. Le 18 septembre 2017, il est de nouveau interpellé dans Paris à bord. Mais c'est pas bien en plus. Mais oui, je l'ai fait là. 18 septembre, c'est il y a même pas une semaine. Mais oui, je l'ai fait là et en fait, je savais que je le marque. Je savais qu'il avait fait n'importe quoi. Mais en plus, il en a rajouté entre le temps que je fasse le quiz. Je dis, les gars, c'est des génies. Le problème, c'est que moi, l'actualité, je la suis pas. Ça me fait tellement chier. Non, sans lui, c'est un sketch à eux tout seul. Mais c'est qui du coup? C'est Benoît Magimel. Ah putain, c'était ce jour-là même. Toujours sur la description de. Ah non, mais je pensais que t'avais changé. Ah non, mais je croyais qu'on était passé là. Oui, c'est pour ça, je comprenais plus. Le 18 septembre 2017, il est de nouveau interpellé dans Paris au bord de sa voiture et en compagnie de notre homme, alors qu'il conduisait à contresens dans une rue à sens unique. Okay. Des pochons de poudre blanche contenant de l'héroïne ont été retrouvés sur lui, alors bien qu'il soit contrôlé négatif au test salivaire. Il est alors condamné, je tourne la page, à sucer un lama en haute prison avec sursis quand même. C'est-à-dire que t'es contrôlé positif, toi, tu fais du sursis quand même. Et toi, tu veux qu'une facture enculée, t'as le notaire qui descend et qui te saisit tous les meubles. C'est ça. Bon, allez, passe-moi ce con là parce que ça me gonfle. On est d'accord. Avec sursis pour possession, et 3 mois donc, et avec possession, avec sursis pour possession de stupéfiants. Mais je vais vous faire chercher quelques noms. Alors je vais vous dire un jour en France. Non, ça j'écoute pas donc. J'ai oublié. Bertrand Cantat. Non, pas Bertrand Cantat. Yeah, Bertrand Cantat. Donc il a tué sa femme qui s'appelle Marie-Cantat. C'est pas Bertrand Cantat. Mais attends, comment tu fais le lien avec un jour en France? Un jour en France, on est bien. Ouais, un jour en France, c'est une époque. C'est Nord Désir. C'était mis derrière l'homme pressé. Et le van nous portera, qui est très connu aussi. Donc oui, voilà, c'est ça. J'ai juste mis qu'une ligne parce que j'ai trouvé ça excessivement dégueulasse. J'ai pas osé en mettre l'homicide de Marie Trintignant qui a été jugée de façon absolument immonde. C'est dégueulasse. Elle s'est fait démonter la gueule contre un radiateur. Elle s'est fait démonter la gueule. Rien. Du coup, maintenant, il tourne avec son groupe des trois. Il a quand même fait de la prison. Ah, il a fait de la tôle. Enfin, on peut dire qu'à partir du moment où une personne a fait de la tôle. Faut pas dire qu'il y en a eu. Il a été jugé. Ah, il a été jugé. Après, est-ce que sa condamnation est en rapport? Je sais que le guitariste de Noir Désir l'a très. Ça, de toute façon, personne ne sera jamais d'accord. Non, voilà. Après, personne n'aura jamais le même jugement sur le coup d'une vie. Donc, C'est sûr. Après, pour moi, c'est pas à nous de juger non plus. Enfin, on peut juger, mais non, il a fait ce qu'on lui a dit. Le problème, c'est que t'es pas dans la pièce. Tu sais pas comment ça s'est passé. Oui. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que ça a été arrangé. Peut-être que ça s'est pas passé exactement comme ça. Je sais que Serge Tessoguet, le guitariste de Noir Désir, l'a très mal pris. Parce que c'était vraiment. Le groupe à l'époque était vraiment. Voilà. Est-ce que ça valait une vie? Je sais pas. Ouais. Moi, je dirais non. Du coup, t'allais dire. Je disais que c'était pas l'un comme l'autre, était pas un exemple de stabilité. Non, ouais. Non plus. C'est vrai que la drogue, l'alcool et la violence qui étaient assez récurrentes dans leur couple. Je sais que le père Trintignant l'avait très mal vécu. Hein. Oui, il a très mal vécu, mais ce que veut dire Jean-Jean, c'est que Marie Trintignant n'était pas forcément un exemple. Pour lui, c'était une épreuve. Hein. C'était vraiment, Après, c'est, voilà. Il faut se poser des deux côtés. C'est le problème de la justice, c'est qu'il y a un moment, tu dois être objectif. Tu dois regarder d'un côté, tu dois regarder de l'autre. Les deux étaient atypiques. Est-ce que par rapport à la norme de notre société, ils étaient différents? Est-ce qu'ils étaient moins bien? Est-ce qu'ils étaient mieux? C'est ça. Est-ce que ça valait 3 ans de prison, 4 ans, 5 ans, ce qu'il a pris? Est-ce qu'il méritait de sortir? Est-ce qu'il fallait pas remettre la peine de mort pour des mecs comme ça? Non, c'est des hypothèses que je balance. C'était en 4 honnêtement, je m'en fous parce que moi, il n'y a qu'une chose que. Moi, il n'y a qu'une chose dont je suis content, c'est de pas dire ça. Il y a 2-3 ans. Donc il a pris peut-être bien 10 ans. Il y a une seule chose dont je suis bien content, c'est de pas être dans sa tête. Parce que la vérité, il n'y a que lui qui reste pour la connaître. Si vraiment il y a quelque chose à se reprocher, si ce mec-là a vraiment un ego, une conscience. Et c'est vraiment quelqu'un qui a des idées avec la déconscience en plus, c'est ça, c'est ça le pire. Moi je lui souhaite pas de mal à Bertrand Cantat, c'est pas le problème. Hein. Sa musique, j'aime pas. Voilà. Mais Non, voilà, qui fasse son truc et qui n'emmerde personne et que personne n'aille l'emmerder. J'ai arrêté le saucisson, il a failli m'échapper des mains. Merci, Rayman. On m'a jamais dit ça. Bon, le... Et franchement, lu comme ça, le coup du saucisson. Un petit dernier pour la route. Pour les C'est Gandalf, là, ils sautent partout. Hein. C'est qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Samina Seri, il a gagné. Ah, oui, oui. Donc, le film bouge, que personne ne se rappelle. Le mais si, avec Ophélie Winter, où il chante sur Hit Machine. Mais si, attends, c'est connu ça. Indigène, qui est par contre lui. Ah, c'est vraiment bien. Indigène, oui. Indigène, c'est pas avec le kickboxer là? Comment non, s'appelle? Non, c'est celui avec français algérien, mais ouais. Qui est avec comment s'appelle? Jamel Debbouze, qui est pas. Ouais, si, oui, avec le boxeur qui a fait une peinture blonde à un moment. Oui. Et Taxi, bien évidemment. Voilà. Oui. Donc Taxi. Là, je vais vous faire un listing de tout ce qu'il a fait, et là, vous allez voir, c'est un sketch. Allez, un petit quart d'heure. Un petit ah ouais, non, pour un quart d'heure. De quoi, 5 minutes à tirer? Oui. T'es obligé de faire le truc? Ah, non, parce qu'on sait que c'est une brèle. On sait que c'est une pipe, on sait que c'est. C'est une ordure, le gars, mais. Non, mais c'est même la peine de mort, c'était pas assez pour lui. Ce mec-là, tu veux que je te dise, c'est méchant. Honnêtement, je vais dire un truc méchant, et d'habitude, je m'astreins à ne pas dire des trucs méchants. Ce mec-là n'aurait jamais dû sortir de là où il était. Non, carrément, oui. Pour moi, je suis totalement d'accord. Parce qu'il n'a pas su apprécier la chance qu'il avait. Oui. C'est tout. Il y a des gens, tu leur donnes une occasion de sortir de la merde dans laquelle ils sont. Ils vont la prendre. Mais lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il l'a pris et en plus, il a chié à la gueule des autres. Ah non, mais chié à la gueule des autres, c'est même pas. C'est jamais non, non, mais autant je suis tolérant des fois avec des gens qui peuvent faire des erreurs. Ce mec-là, il en a fait une, il en a fait deux. Ta liste a fait combien de lignes? Elle fait une page quasiment. Voilà, bah, c'est une page de trop. Ce mec-là, il aurait une ligne ou deux, je me dirais, bon, ok, il mérite un peu d'indulgence. Mais tu vois, ce mec-là, il a une page, ça veut dire qu'il a rien dans le pain. Ce mec, c'est même pas une merde. Il a rien. Non, non, mais il a rien dans le pain. Je vais pas l'accabler plus que ça. Mais il a dans le chou, il a que dalle. Tu sais ce que c'est ça? C'est un chasseur landais qui va dans sa palombe. Et encore, t'es gentil. Dès qu'il voit un truc, pim, il met un coup de mine. Voilà, bah c'est pour moi, c'est le même niveau. D'accord, t'es gentil. C'est dès que ça bouge, c'est le mauvais chasseur. On rappellera qu'il a fait de la chanson aussi. Hein. Non, non, mais. Non, non, ce mec, enfin, honnêtement, vas-y, parle. Mais. Soyez pas la chanson. Ah non, sa chanson qu'il a fait, c'est même. Mais c'est une bouse, pas possible. Ah non, mais même Indochine à côté, c'est écoutable. Merde. Non, non, mais il a le droit d'avoir essayé des trucs. Mais quand tu prends une affiche comme ça, avec un casier judiciaire pareil, et le pire, toujours c'est que pas compris, vous allez voir, vous allez voir, il y a des même trucs, pas qu'on parle de toi. Il y a des trucs, vous allez voir, vous allez rigoler. Parce que vous allez vous dire, mais c'est tellement méta qu'on aurait voulu le faire, on n'aurait pas pu. Bon, en 2002, il a été jugé pour injure. Bon, jusque-là, hein. Injure violente, ça reste raisonnable et courant chez lui. Voilà, ça reste courant. En 2003, il a été jugé déjà, ouais, on commence à monter dans les années, pour voie de fait commise en 2000. On voit de fait, c'est déjà quand même. Bon, quand même, tu commences un petit peu à en avoir dans le casier. En 2006, pour outrage et injure raciste envers des policiers, il est condamné à 6 mois de prison ferme. Ah, il a dû y aller fort. Ferme. Parce que pour qu'on te file du ferme, faut y aller quand même, les enfants. Qu'est-ce qui se passe hein? Attends. La sodomie à l'envers, j'ai vu. C'est quoi la sodomie à l'envers? Ah ouais, là je veux bien une explication. Le saucisson au piment, la sodomie à l'envers. Hein. Bah, c'est un disait qu'elle a arrêté le saucisson parce que c'était dangereux. Je lui dis de prendre le saucisson au piment d'Espelette parce que ça se mange tout seul. Ah merde, mes filtres. Ah non, mais moi je dis franchement, pour une enculerie, je suis toujours partant. Là t'es... Oh. Alors, moi, là t'es mal tombé parce que moi j'ai tombé les filtres. Donc par contre, je veux bien savoir ce que c'est que la sodomie à l'envers. Ouais, c'est le saucisson au piment. En fait, c'est quand elle s'empale sur toi-même. Oh, j'étais pas d'accord, mais. Cannibal Holocaust. Sacré référence. Là, j'adore. Un jour, il faudrait que je regarde ce film quand même. Il était ça m'a fait passer. Elle a peur de tester le piment. Le saucisson au piment. Parce qu'elle a peur des chiottes après. Le chat qui a pris du bâton en tombant à l'enfer, c'est magnifique. C'est Cannibal, tu me comme sens dans un autre film, faut que je me le note. À Cannibal, il était une fois le diable. Ah non, mais avec le cheval, le chasseur. Je voudrais pas dire, les gars, mais... quand tu pousses, c'est que ça fait mal. Préparation H. Ah non, mais moi ça fait pas mal, ça fait du bien. Préparation H, Revan. Mais moi ça fait du bien, c'est pas c'est pas un classique, ça marche. Je te jure, le tabouret, il va se coller au sol. J'ai fait trois lignes. J'ai fait trois lignes de sa mini série. En 2007, mais c'est déjà 3 de trop. Pour avoir menacé avec un couteau un vigile de boîte de nuit, il est condamné à 9 mois de prison, dont 3 mois ferme. Mais en plus, il s'est pas regardé, il a vraiment la gueule d'un clodo quoi. Ah non, mais un clodo, mais tu regardes les même pour les clodos, tu vois, ça me fait mal parce que ce mec, j'ai franchement rien contre lui, je le connais même pas. Mais dans son comportement, il mérite même pas le respect. Non. Tu regardes les premiers taxis, ça va. Ouais. Mais là, j'ai vu une vidéo justement sur Taxi 5. C'est moche de voir des gens finir comme ça. Il fait une interview et tu fais. T'as quand même un truc qui est passé entre temps. Ouais, c'est... c'est une grosse. Enfin, franchement, pour moi, c'est même pas une. Même le traité de merde, c'est trop jeune. Et en France, t'avais pas Joestar aussi qui a eu un. Enfin, Joestar, il y a. Je l'ai pas mis, mais il y en a eu. Qui c'est qui a raconté une histoire avec Joestar? C'est pas les mecs de, du Popiacho? Si, je crois. Où ils ont croisé Joestar dans une soirée en boîte de nuit, finalement, ça s'est fini en couille parce que Joestar, il a pas d'humour. Ah non, mais bon, en même temps, quand tu vois sa gueule, tu te dis que l'humour et lui, ça doit faire 18. Et t'es gentil encore, non? Ouais, encore, je suis gentil, faudrait qu'il ait 18 mois. Alors là, attention. En 2007, encore une fois, il est condamné à 10 mois de prison ferme. La vaseline pour les cernes. Ah oui, ça y est, je viens de comprendre. Attention, moi j'encule. Bon, on me laisse 10 secondes d'ouverture, j'encule. Il est condamné à 10 mois de prison ferme pour violence volontaire en récidive pour avoir en, le 23 novembre 2005 défiguré à coups de cendrier. À coups de cendrier. Plus de 30 points de suture, un styliste de la marque Von Dutch. Ah oui, oui. Ça, pour être ça. Selon lui arrivé en retard à un rendez-vous dans un restaurant, ce qui l'empêchera. Alors là, vous notez le méta du truc. Ce qui l'empêchera de jouer le rôle principal dans la première version théâtrale en France d'Orange Mécanique. Chercher l'erreur. Ah non, mais le méta. Mais non, justement, c'est. Ah oui, non, mais le gars était, mais c'était le et c'est vrai que du coup, il était bien choisi pour. J'ai même pas fait un tiers du truc. J'ai pas fait le tiers. Non, mais c'est bon, non, tu mais peux tu passer déjà. Non, non, mais... Déjà, tu peux passer ça, Mina. Ah non, mais vous allez voir. Alors, c'est bon. Et du coup, la suite, c'est quoi? Non, non, mais après, 2000... la... non, mais après ça. Non, non, c'est... non mais après ça. T'as fini ou pas? Non. C'est ton dernier? Oui. Oui, mon mot. Non, c'est pas fini. Donc, Tocheux, maintenant, ton. J'espère que t'es prêt pour quoi ton dossier. Hein. Ah merde, j'ai un dossier. Hein. Ah putain. Oh, les cons. En 2008, pour avoir accidentellement renversé une policière avec une voiture qu'il conduisait sans permis, il est condamné à 6 mois de prison ferme et 5 500 € d'amende. En fait, écraser des gens, ça coûte que dalle. Quoi. Ah oui, le premier 5 000 €, s'il est connu, ça. Non mais nous, on écrase quelqu'un, c'est même pas la peine. On revient jamais. En 2009. Amuse-toi déjà à pas payer ton loyer, tu vois. Ouais. En 2009, il est mis en examen pour violence volontaire après avoir agressé au couteau et blessé au cou un proche de son ex-compagne à Paris, sous l'emprise de l'alcool. C'est-à-dire que maintenant, sous prise de l'alcool, c'est circonstance aggravante. Il déclare le 26 novembre 2009 sur le plateau du Grand Journal, parce que lui, il a le droit d'aller se dédouaner sur les grands médias quand même, il a bien de la chance. Cependant que ce n'est pas toujours sa faute... Hein, c'est jamais. Pour ces faits, il est le 30 mai 2011, il est à nouveau incarcéré, cette fois à la prison de Grasse. Après s'être présenté à un commissariat dans le cadre d'un contrôle judiciaire, il faut bien finir en toile, le 23 juin de la même année, toujours, hein, Samy Nasseri est interné d'urgence dans une unité psychiatrique de Nice sur la demande de sa compagne qui dénonce des mauvais traitements infligés en prison à l'acteur et l'ayant poussé au suicide. Il y demeure une quinzaine de jours. Il est ensuite envoyé à l'hôpital de Fresnes où des soins lui sont prodigués. Puis, à sa demande pour rapprochement familial, il est transféré à la prison de la Santé. Dans une chambre VIP, évidemment, il doit voir la télé. Mais forcément. C'est un culé. Pour les personnalités, il devait être à la DSK. Hein. Il en sort le 21 mars 2012, muni d'un bracelet électronique pour quelques mois, malheureusement. Samy Nasseri a comparu, et je n'ai même pas fait la moitié. Il a comparu c'est bon. Le 15 mars 2011. Devant la 16e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris pour blessures volontaires et menaces de mort, le ministère public a requis 5 ans de prison, dont 2 ans ferme quand même les enfants, pour blessures volontaires, menaces de mort et harcèlement téléphonique, hashtag même la boule est jaloux. dans le cadre de cette affaire, non, c'est, après il y a un petit truc mais c'est vite fait. Oui, non mais on ne fera pas. Ah, si, on fera! Non, c'est bon! Ah, on en fait tout à l'heure, on fera moins! Mais pourtant, on en est à combien? Là, parce on est à 2h13! Oh, et merde, on fera 2h30, c'est pas grave! Il est condamné à 6 mois de prison, 16 mois de prison ferme! Touche ton quiz, ton dossier. Mais laisse-moi finir pour une fois que ça dure. C'est parce que vous avez pourri le premier dossier. Pour une fois que ça dure, il est content. Mais oui. Vous avez pourri mon dossier, vous auriez pas pourri mon dossier, moi j'ai tracé comme une flèche. Hein, mais je suis à fond, hein, là. Tu n'as pas pourri ton dossier. Quoi, Il est condamné à 16 mois de prison ferme, la peine est aménagée lui permettant de ne pas, retourner immédiatement en prison, bien évidemment, un enculé reste un enculé. Ouais. Vas-y, rapide, enchaîne. Pana, le festival de Cannes 2011, Samina Seri s'illustre pour un comportement agité. Il devra comparaître en justice pour outrage à agent et exhibitionnisme. Un type bien, en fait, peut-être. On va savoir. Ouais, le 12 septembre 2012, un chauffeur de taxi a porté plainte contre Samina Seri pour exhibition sexuelle, visiblement montrer sa bite et une gageure chez lui, et injure. Le comédien aurait eu ce comportement après avoir été bloqué quelques minutes dans une rue parisienne dans laquelle il circulait. Le 23 juin 2013, l'acteur est placé en garde à vue pour dégradation et violence volontaire. À 4 reprises en 2014, il est placé en garde à vue dans le cadre de violence conjugale. Cependant, en octobre 2014, puis le 24 septembre 2015, il est relaxé pour ses faits. Fais ton dossier, putain, bon non. Non, c'est pour la suite. On rigole. Le 2 mars 2014, ton dossier. Il est de nouveau placé en garde à vue car il a menacé une femme avec un couteau après que celle-ci aurait refusé ses avances. Je vais faire pareil. Selon le Parisien, aucune plainte n'a été déposée devant lui, contre lui. Visiblement, il a sorti les bifetons. Le 16 mai juin 2015. Voilà. Il a été condamné à une amende de 1 500 € pour une consommation de stupéfiants. Et pour finir, en mars 2017, il a été condamné pour une amende suite à une rixe qu'il a opposée à des dealers. Voilà. Et maintenant, je vais rapidement. Est-ce que j'ai le temps d'aller me rouler une clope? Oh, arrêtez! Putain, pour une fois, je suis un vrai dossier, vous faites chier. Non, t'as pas le temps, j'en peux juste plus. Moi, je te jure, j'en peux plus. On va faire rapide. Je voulais parler des criminels. Tu pourrais pas faire rapide dès le début? Je voulais parler des criminels, mais des criminels qui ont fini du bon côté de la barrière, bien évidemment. Ils ont fait la guerre. Mais la guerre du bon côté. Donc je vais vous parler du film. Non mais c'est rapide. Arrête. C'est que du descriptif. Mr. Smith au Sénat. Winchester 1973. Oui, c'est là un peu. Fenêtre sur cour. Oui. Sueur froide. Clint Gable, Hitchcock. Non, l'homme qui tua Liberty Valance. Un acteur américain très connu, je crois que ça fait partie des meilleurs acteurs américains. Il a été reconnu. Anthony Quinn. Non. James. McAvoy. Coburn. Stewart. Ouais. James Stewart. De 1943. Oui. Sur court. Oui. De 1943. Oui. De 1943 à 1966, il a fait des Red Herring pour l'armée américaine. Il a été pilote affilié pour l'armée américaine. Il a participé à la Seconde Guerre mondiale, il a fait, avec des B-24 Liberator, il a fait 20 missions à son actif. Il a fait quelque chose de mal, lui? Ils ont fait la guerre, hein. Après vous jugez comme vous voulez. D'accord, mais... Les 24 Liberator, fallait y aller, hein, parce que c'était boîte de conserve, les trucs. Hein. Ah oui, non mais... C'était pas les Stratofortes. Hein, après, je vous laisse juger. L'univers Marvel les doit tout. Jack Kirby. Oui. Très bien. Jack Kirby. Voilà. Tu l'as lu, c'est pas possible. Bah non, mais tiens, parle tout le temps. Oui, Jack Kirby, c'est mon idole. Moi, j'avais René Dudley Jr. Mais René Dudley. Oui, ça c'est pour le cinéma. Oui, moi, je parle de voilà. Marvel lui doit tout. Oui, non, mais en même temps, s'ils avaient pas fait des comics, ils seraient morts. Hein. Ils auraient pas même pas fait du cinéma. Bon, après, ils ont fait la guerre, je voulais juger. Hein. En 1943, l'association est interrompue car les deux hommes... Alors, en fait, si vous voulez, ils faisaient des comics bien avant la guerre. Car ils décident d'aller partir sous les drapeaux. En 1944, Jack Kirby débarque à Normandie 10 jours après le D-Day. Il avance jusqu'à Lorraine où il participe à la bataille de Metz. Notamment au combat de Dorno où les 3/4 des GI engagés périssent. Tant qu'à faire. Gravement malade, il est évacué au front avant la fin des combats et ramené aux États-Unis. Il reçoit quand même 2 médailles militaires. A noter que avant la guerre, il est parti en faisant un max de comics parce que sachant qu'il partait à la guerre, on lui a demandé tu peux faire un max de comics, hein? Et en revenant, il a bossé comme un con. Voilà. Le l'âme du comics. Alors là, je vais vous parler d'un acteur français, le clan des Siciliens. Alain Delon. Non. Jean Gabin. Très bien. Archimède le Clochard, la Bête humaine, Pépé le Moko, le Quai des Brumes et un singe en hiver. Là, c'est pareil, c'est là où il y a un bon descriptif. Par patriotisme. Oh, il y a Les Vieux de la Vieille aussi. Oui. Oh, mais que des bons films avec la main. Très bon film. Par patriotisme, hashtag pas Front National, il s'engage en avril 1943 avec les forces navales françaises libres du général de Gaulle pour libérer son pays. Embarqué comme canonnier chef de pièce sur un pétrolier militaire, il traverse l'Atlantique en convoi à destination de Casablanca, attaqué au large par les sous-marins et les avions allemands, aux approches, bien évidemment, de la Méditerranée. Puis, sous l'ordre de l'enseigne de vaisseau et futur vice-amiral André Guillemet, le second chef maître, bon, c'est un peu compliqué, hein, je vous passe la suite. Bref, en fait, il fait des trucs jusqu'à la fin de la guerre. Au printemps 1945, il participe à la libération de la poche de Royan, donc rien que ça déjà, puis à la campagne d'Allemagne, qui le conduit au nid d'aigle d'Adolf Hitler, donc à Berchtesgaden. Oh, et tout de même. Ah oui, quand même, oui. Et à la fin de la guerre, il est décoré juste de la médaille militaire et la croix de guerre, juste ça. Juste ça. Juillet 1945, à 41 ans quand même, il est le plus vieux chef de char de la France libre quand même. 41 ans à l'époque, c'était quand même... 1945. En 45, quoi. Chef de char. Oui. Ça faisait partie des trucs les plus dangereux. Oui, chef de char à l'époque, c'est pour ça. Donc, c'est pas mal. il est démobilisé, hein, gentiment, et revient au monde du spectacle avec des cheveux blancs. Logique. Toute sa un vie, peu comme le père de Laura Palmer dans Twin Peaks. Voilà. Sa vie, il restera. Exactement. Alors toute sa vie, il restera très attaché à la Marine nationale et proche de celui qui fut son chef, le vice-amiral Guillemet et sa famille. Hein. Voilà. Après, il a retrouvé Marlène Dietrich aussi en Allemagne, hein, tout à fait. Et il a aussi, par patriotisme, il a refusé. Alors, il revient en France, il refuse de défiler sur les Champs-Élysées et observe son ancien char passé. Voilà. Pour prouver le. Il a refusé de défiler. Ouais, ça serait intéressant de savoir pourquoi il a pas voulu. Parce que c'est par respect, parce qu'il se sentir un peu désintéressé par la cause nationale. Il y a un moment où t'as pas honte t'as pas à avoir honte d'être patriote et d'avoir fait ce que tu devais faire pour ton pays. Alors, devais peut-être pas, mais ce que tu avais décidé. Ce que tu estimais nécessaire de faire pour ton pays. Faut que ça reste en ligne avec tes convictions. Donc là, on est vraiment sur les derniers, ça y est, on arrive vers la fin du bout. Hein, il a joué dans le film La Tour Infernale. J'ai dit tout à l'heure, La Tour Infernale. Avec McQueen. Encore un autre. Ah bon ? Il a joué dans Butch Cassidy and the Kid. Ah ouais. Et il a joué dans La Couleur de l'Argent. Un acteur excessivement connu. Tom Cruise. Non. Paul Newman. Ouais. Il était artier, c'est les deux. Paul Newman qui apprend à Tom Cruise à gruger aux poules. C'est ça. Donc il était artier pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, putain. Il a joué. Alors j'ai mis qu'un seul truc parce que je connais énormément de ses films. Il en a fait énormément. Un Monde Parfait. Alors il n'a pas joué dedans. C'était le réalisateur de Un Monde Parfait. Avec, ah, le réal de Un Monde Parfait. Avec Kevin Costner. Qui est un film exceptionnel. Je connais pas les réals, putain. Un Monde Parfait. Il a joué dans Gran Torino. Ah, Clint Eastwood. Ouais. Million Dollar Baby. Ouais. Et il a joué, il a réalisé aussi. Oui, il a réalisé aussi. Bon, je dis ça pour. Gran Torino, c'est. Je crois que c'est peut-être le film le plus controversé, mais le plus parlant de ce qu'est Clint Eastwood. Ah, mais très clairement, c'est le paradoxe total de la personnalité de ce mec-là. Parce que c'est vraiment, il est vraiment dans un type. Autant il est tombé dans une merde phénoménale avec La Mémoire de nos pères et. Mémoire d'Iwo Jima, ou l'aide d'Iwo Jima et Mémoire d'Iwo Jima. Il s'est emmerdé quand même. Il s'est emmerdé dans un pétrin phénoménal que j'ai pas compris. Il a voulu quand même tenter quelque chose, c'est quand même assez. Il a pris les risques. Mais j'en garde un bon souvenir. Hein. Ah non, mais Mémoire d'Iwo Jima est très bien. Ouais. Honnêtement, j'ai. Mais à l'époque, c'était. Même, par contre, Gran Torino est vraiment. Gran Torino, c'est une claque. Est vraiment le reflet de sa personnalité. Mais ce qui est intéressant sur l'époque d'Iwo Jima et Mémoire de nos pères, c'est que t'as deux visions d'un même événement. En fait. Oui, c'est la vision américaine par contre, et la vision japonaise. Là où il a été intelligent, c'est qu'il a amené les deux pendant. Et du coup, tu peux éventuellement te. positionner, te projeter dans la peau de chacun. L'être d'Iwo Jima m'a jamais choqué. Hein. Franchement, c'est un film hyper intéressant. Moi, ils m'ont pas choqué. Je me et dis, les Américains, à l'époque, tellement les Japonais, c'est des humains. Non, mais moi, j'ai pris ça comme une manière de dédouaner, de dire, bah, il y a cette vision-là, il y a cette vision-là. Oui, et je prends aussi, pas parti. C'est vrai. Alors que dans Gran Torino... Ah non, mais c'est très tranché. Ça va, c'est... tu sais où il est. C'est l'enculé de Metek. Ouais, mais, voilà. Non, mais après il prend position. Ah ouais, ouais, mais au moins non, ça te permet de le classer dans ce que tu veux avoir dans tes amis ou pas. La ligne directive. C'est pas gênant. Par contre, ouais, il vient de la vie qui a pas chialé à la fin, quoi. Ah oui, c'est... le monde parfait, c'est pareil. C'est un les endives, c'est caca, mais qui... vous êtes con ou quoi. Impitoyable aussi de Clint Eastwood est juste impressionnant. Faut le voir. Impitoyable, c'est lequel celui-là ? C'est un western avec Gene Hackman. Pas lui. Il y a eu une ressortie il n'y a pas longtemps. Ça doit me parler, mais... excessivement beau. En fait, il était instructeur de natation pour l'armée américaine. Alors, pour Lily, moi, je suis pas difficile hors houblon. Ouais, alors, bon, on va accélérer. Bon, je vais bien accélérer. Oui, accélère. Oh, fini, et tu me fais chier, espèce de tocard. Ouais, je vais me rouler une clope parce que vraiment... C'est toi après, Delta Force. Chuck Norris. Oui. Delta Force 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je te préviens, c'est toi après. Hein. T'as intérêt de revenir après. Hein. Il était policier des airs pour l'armée américaine. Là, je vous apprends des trucs. Hein. Ouais. Et là, je vais vous parler d'un truc, ça va faire plaisir à Cornelius et Zia. Ah, la planète des singes. La planète des singes, ouais. La Enera. La planète des singes. Oui. Mais non, mais c'est l'autre con, là. C'est Charlton Heston. Ouais. Charlton Heston, c'est beaux yeux. Il était opérateur radio et bien évidemment, comme tout bon salopard se respecte, il était président à la fin de sa vie. De la NRA, ouais. C'est un gros connard. National Rifle Association. Donc l'association pour les gros flingos américains, ceux qui, dès qu'il y a un attentat ou je sais pas quoi, ils disent « Ah mais non, mais si on a vu des flingues, on aurait pu tirer premier sur, amendement. Les sur les bougnoules. » Premier amendement, on a le droit de se défendre. On aurait été heureux. Ah non, mais ils disent ça à texto, c'est pas comme ça qu'ils disent. Hein. Le fromage c'est la vie, le gras c'est la vie, l'amour c'est la vie. J'ai tué Jean-Jean. Et j'ai dit Bougnoul, il est mort. Et Lily 57, c'est la vie. Non, mais la NRA c'est ça. On aurait pu dire les Arabes, ça aurait été très bien. Hein. Mais la NRA c'est les anciens du FNA chez ouais, nous. Ouais, encore le Front National, ils sont jeunes. Mais non, hein. Mais. Ces gens-là, ils sont bien contents d'être du bon côté du flingue, c'est tout. C'est ça, ouais. Le jour où ils se retrouvaient du mauvais côté de la baïonnette, comme ça s'est passé en Algérie, tu vas voir, ils vont moins faire les fiers. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais non, mais moi je m'en fous. De Jean-Marie Le Pen. Moi, les gens. Non, mais ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les gens, ils ont pas demandé à naître. Oui. Donc tu peux pas leur reprocher d'être ce qu'ils sont. C'est ça. Donc au bout d'un moment, tu les mets d'un côté, tu les mets de l'autre. C'est pas parce que d'accord, tu vois. Et Bernard Werber, il a dit, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison. Bah, Coluche le disait aussi, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper. Ah, je sais pas si Coluche le disait, mais s'il a dit ça, il est pas loin de ce que je pense. Voilà. Donc là, j'ai fini à force. C'est bon, tu vas faire la bagarre maintenant. Wouh ! Oh putain, ouais ! Et ça fait à peu près trop longtemps que je vois pas parce qu'il y a du contre-jour. Ça y est, Revan, elle est en train d'envoyer des messages qu'elle va regretter. Alors c'est bien, on fait péter le compteur, mais il y a encore le dossier de Tocheux derrière. Donc, c'est pour cet épisode, je suis désolé. Mais... Ah non, mais moi j'ai pas de soucis. Hein. Tu m'en vois. Il me reste de la bière. Ou ouais, mais de toute façon, il n'y a pas le temps. Moi par contre, je suis en sec là. Du coup, bah, on va faire le jingle de l'invité et t'enchaînes sur ton dossier. J'ai un jingle pour moi. Ah oui, c'est le jingle de l'invité. Allez, viens. C'est une jingle émanée. Viens. Allez, viens. On va manger des chips. Des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Donc c'est à moi si j'ai bien compris. C'est ça, vas-y, fais ton dossier qu'on rigole un petit coup, mais... Oh ben on va rigoler tranquille, parce que moi je suis venu pour ça, tu me connais, je suis bon public. Je suis venu, ça me faisait plaisir, et puis quand je suis venu ici, on m'a parlé d'une albinos, d'une marmotte albinos à poil long, de la Caroline du Milieu. Et je me suis dit, putain, mais c'est quoi cette bestiole, qu'est-ce que ça raconte? Donc ici... Je vais vous faire une brève histoire d'une recherche sur internet. Non mais ça m'est venu comme ça, faut que je vous raconte l'histoire. Là c'est vraiment pas du tout scripté, c'est vraiment pas du tout dans mon conducteur, c'est pas écrit. Je me suis réveillé, je crois qu'il y a que Azertov qui est au courant. Oui. C'est un matin pendant mes vacances, vous savez ou pas, si vous me suivez, que je dors très très peu, ou que je suis réveillé de très bonne heure. Et pendant mes vacances, eh bien, je me suis réveillé à 4h du matin et je me suis dit, putain, c'est quoi cette connerie? Et je me suis collé à ce que vous allez entendre de suite. Et je m'en excuse par avance, mais j'espère que ça va vous faire rire. J'espère au moins que vous allez passer un bon moment. Faut pas s'excuser parce que moi j'avais lu un petit peu. Juste le début, c'était pas mal. Parce qu'on est là juste pour passer un bon moment et moi, c'est tout ce que j'espère vous faire passer. Donc, comment on en arrive à cette putain de chronique, mes chers amis, mes chers auditeurs? Vous savez, il est absolument pas dans mes habitudes de tenir des chroniques, mais à cause d'une phrase à la con sur Twitter, voilà qu'on y est. Et du coup, eh ben, tant pis pour vous. À l'origine, Azertov, il bossait sur cet épisode et il savait pas, il avait pas encore de dossier sous le coude, il avait rien. Il avait pas de quiz, il avait pas de musique, hein. Franchement, chose hyper bizarre. Et il s'enorgueillit. Putain, c'est dur à lire ça. En fait, son orgueil. Ouais, non, mais en fait, il était super content. Et il disait sur le Twitter, sur son Twitter, il disait, ah ben c'est bon, j'ai déjà l'intro. J'ai fait, ouais, mais ok, t'as l'intro, mais t'as pas de dossier. Ok, et tu fais quoi, ta marmotte albino, sa poil long de la Caroline du Nord, ça t'inspirait pas pour un dossier? Et là, il me fait, bah non, parce que ça, en fait, c'est le tien. Et là, vous vous dites, mais putain, mais d'où est-ce... Mais cette foutue marmotte, d'où est-ce qu'elle sort? Eh bien, elle surgit tout droit d'une discussion. Et cette discussion, elle avait eu lieu une quinzaine de jours ou une dizaine de jours avant. Et c'était pendant un moment où ça visait à régler les derniers détails pour la tenue de ce présent enregistrement. Et alors que tout semblait s'organiser parfaitement et qu'on pouvait en rester là, la phrase... que j'attendais absolument pas du tout, arriva, il fait, eh ben, deux points, ouvrez les guillemets, du coup, j'attends un dossier sur les marmottes albinos à poils longs de la Caroline du Milieu. Donc là, je vais prendre 2 secondes, ils vont meubler autour parce que je vais rallumer ma clope. Et tu auras de Nika avec Ambi, toi, c'est pour le 3, ça. Non, c'est pour Revan qui est sur le chat, ah, qui demande le... Est-ce qu'on aura au prochain sur Nika, ouais. Nika, il est magnifique. Et donc, cette phrase complètement sortie de nulle part, mais pourtant... Mais je l'avais sous les yeux, incrédule. Ah, c'est épique. Et là, j'ai eu 2 réflexions. La première, c'était, 2 points, ouvrez les guillemets, encore. Il est pas sérieux, il dit ça pour la déconne, c'est bon, il va pas faire bosser ses invités quand même, etc., etc. Et après, j'ai écouté l'épisode 9. J'ai eu le passage du Milou et là, je me suis vite orienté vers la seconde hypothèse. Toujours 2 points, ouvrez les guillemets, putain, le con, il est sérieux. En fait, il me fait passer un petit message, comme ça, en douce, pour voir comment je réagirais. Il sait qu'après avoir entendu l'émission, je peux plus arriver les mains dans les poches. Et en fait, cette bande d'escrocs, ils se lancent dans un concept, ils font bosser leurs invités. Cette grosse bande de salauds. Alors du coup, je t'interromps, Toche, c'est pas notre concept. On l'a piqué à quelqu'un d'autre. Ah bon? C'est ça la magie du podcast. Et c'est pour ça que je suis rentré dedans à pieds joints. Et je me suis dit, mais bon, tant qu'à se pogner 315 bornes, hein, avec un détour pour Albi pour visiter une porte fermée d'une brasserie locale, je me suis dit, ça vaut le coup. Et puis venir dans un charmant coin de France comme ça, autant pas venir les mains vides. Puis arrivé cette réflexion, je me suis dit, mais attends, t'amènes Jonjon. Là, j'ai pensé à Oui, je me suis dit, la ressemblance physique va jouer un peu. Avec ses sons souhaits des lunettes. C'est vraiment le second soi typique, quoi. Arrivé à l'heure où on est, je sais pas, on doit être à peu près à 20h, je me suis dit, les 3 pocherons, là, ils vont pas être capables de voir la différence. Alors du coup, je me suis foutu au dossier. Je vous rappelle quand même qu'il était 4h du matin, qu'on devait être au mois d'août, que j'étais en pleine vacances et que tout ça, c'est un one-shot. Voilà. L'expérience de l'épisode 8 de cette émission m'a ouvert des horizons insoupçonnés jusqu'ici, hein, grâce à Asto, sa présentation des mangas au style divers, que varié, donc je vous fais pas l'épisode sur Attache-moi. Finalement, j'ai pas pu résister à l'envie de savoir ce qui se cachait derrière l'appellation Marmotte Albinos à poil long de Caroline du Milieu. Oui, parce que c'est le nom, c'est... Vous prenez Marmotte, vous mettez une guillemet avant, vous mettez Milieu, vous mettez une guillemet après, et vous avez les 900 étoiles. Et ça a pas été facile. Non, ça a pas été difficile non plus, mais franchement, ça a été surprenant. Surprenant parce que la première recherche faite, quand mon pad voudra bien défiler, la première recherche faite sur cette citation complète, sur un moteur de recherche, la première image qui est sortie, et la seule d'ailleurs, hein, franchement je vous mentirai pas, c'est celle d'une femme qui a reçu une nomination pour devenir, je cite, directrice générale de la Mosaïque à Longueuil à Québec. Alors franchement, comme je m'en fous un peu et que j'ai pas d'image à vous montrer parce que d'une part c'est pas une marmotte et d'autre part elle est même pas albinos, je pense qu'on va passer dessus. Après pour ce qu'est la longueur des poils, je sais pas, je suis pas tété voir, mais bon. Mais oui, j'ai bien dit une personne, deux bras, deux jambes, une tête, enfin tout ce qui est défini un standard humain, quoi, même si celui de Gandalf consiste simplement à avoir 15 bras, 15 jambes pour monter une équipe de rugby. Bon, celle-là, elle est gratuite, je suis d'accord, mais... putain, merci pour non, non, mais franchement, c'est pour le fun. Voilà, bref, on est déjà loin de l'idée générale de ce qu'on se fait d'une marmotte. Alors, reprenons dans l'ordre, hein, on va tout recaler pour comprendre et trouver quel phénomène se cache derrière cet énoncé. La marmotte. Déjà, de quoi on parle? Il s'agit à première vue d'un mammifère de l'ordre des rongeurs, désigné par ses branleurs inconditionnels de la nomenclature binomiale par les termes marmota, marmota, pour la version européenne, putain, et je te jure, t'as tequila à l'attaque, pour la version européenne, marmota monax, pour la version d'Amérique du Nord, parce que oui, trouvant rien de concret par les saintes bibles des moteurs de trouvailles avec ces mots simples, il a fallu que je me plonge dans les abîmes de l'internet pour trouver la clé d'énigme qui se dressait devant moi. Wikipédia entre autres. Alors, pour comprendre ces classifications, la première chose à faire fut d'apprendre le latin. Ouais, pour comprendre la... Jaranus, quoi. Ouais, ouais, ouais, pour comprendre la taxonomie, ou également appelée taxinomie, qui, très grossièrement, est une science qui cherche à ordonner le monde des vivants. Les invités sont plus drôles que les animateurs. En rassemblant les espèces des groupes hiérarchisés. Je prends mal. Selon les caractères communs. Ok, là j'ai pris peur, et en croyant sur une page suprématiste du Cucluxan, ou dans une reprise d'un vieux conducteur de CVT, j'ai cliqué sur la petite croix représentant le sang du Christ versé pour la race blanche, pour fermer la page Wikipédia. Bref, il fallait donc une autre source pour comprendre ce qu'était une marmotte, et c'est tout simplement l'encyclopédie de la rouquine. L'encyclopédie de la rouquine, ok, je vous laisse réfléchir. Ouais. Qui m'a offert attends, sur un attends, j'ai pas écouté. La rousse. Voilà, qui m'a offert sur les bases, qui m'a offert sur un plateau les bases de ce qu'est un animal et m'a permis d'orienter mes recherches. Mais là, oh stupéfaction, ce n'est pas une marmotta qui est recensée, mais une foultitude de suridés. Alors oui, alors ça, ça veut dire qu'elle fait partie de la famille des rongeurs et qu'elle appartient à la marmotte. Non, parce qu'il n'était pas pensable que de me pogner toutes ces recherches sans vous placer quelques trucs à droite à gauche pour vous montrer que j'ai bossé mon dossier un tout petit peu, quoi. Malgré ces 14 espèces de marmottes listées sous mes yeux, pas de marmotte albinos. De marmotte. Ça pourrait faire une contrepétrie. Hein, mais c'est de la marmotte facile. Albinos. Voilà. Et non, rien. Rien. Putain, pourtant j'ai cherché au moins 3 minutes, hein, vous me connaissez. Et alors, en lisant la définition d'albinos, je me suis dit albinos, albinos. Mais t'es con, putain, c'est pas une espèce à part entière, c'est une exception. Attends, du coup, je te coupe parce qu'il y a Pépé qui demande combien ça dure le temps moyen d'un couille de la marmotte à l'échelle de le Grand Alphe, bien sûr. Ah, normalement, il y en a. J'ai répondu. Alors, à 450 mots par minute, il y en a normalement, il y en a pour 7 minutes. Alors, j'ai répondu en un mot. Trop. Donc, je sais plus où j'en étais, je me suis dit, donc, albinos, mais t'es con, putain, c'est pas une espèce à part entière, c'est une exception. 10 secondes. Et là, bingo, les images ont défilé sous mes yeux, larmoyant, tout fier d'avoir révélé si vite un bout d'énigme. Pour illustrer mon propos, je voulais chercher une analogie avec les larmes exagérément grandes de manga, et j'ai, allez savoir pourquoi, pensé à Muscleman, que j'avais vu quand j'étais encore tout petit au club Dorothée, si mes souvenirs sont bons, hein, toute proportion gardée, et je me suis dit, bon, ok, et donc j'ai fait les recherches. Juste un conseil, erreur à pas commettre, je vous laisse ouvrir un... Non, faites pas, parce que vous allez louper la suite, c'est con. Oh, mais putain. Surtout, ne tapez pas, entre guillemets, manga, au pluriel, Muscleman, en recherche d'images avec un filtre parental désactivé dans DuckDuckGo. Franchement, le faites pas. Le canard de Gogo. On est d'accord, je vous laisse le faire. Donc effectivement, la marmotte albinos peut exister, et j'attends juste que vous tombiez en dessous de la table. Enfin, quand elle tombe pas, comme en octobre 2007, sur un bon gros viandard de Ashland dans l'état d'Ohio, par exemple. Enfin, je voulais dire un fin chasseur. Mais c'est un fait prouvé, la marmotte albinos existe. Elle a déjà été aperçue et photographiée. Cependant, malgré toutes ces marmottes listées là sous mes yeux, point de trace d'une éventuelle albinos à poil long. Alors du coup, la marmotte... Ah, putain, mais ça, j'en veux avec la marminote. Hein. La marmotte albinos à poil long. C'est mignon, la marminote. Ouais, mais rien de rien, hein, je vous jure. Et pourtant, j'ai cherché au moins 3 minutes, hein, vous me connaissez. Alors, j'ai appris que la marmotte avait une fourrure caractéristique constituée de deux types de poils. Ah, madame la marmotte se la joue sur deux tableaux avec ses poils de bourre sombres et serrés. Deux tableaux. Ça, franchement, ça La Coupe d'Europe. Ouais, et ses poils de jarre longs et moins nombreux. Fallait donc repérer dans la collection mondiale des clichés recensés une Xerinae blanche avec des poils plus longs qu'à l'accoutumée. Oui, alors ça, Xerinae blanche, c'est la sous-famille des suridés à laquelle appartient la marmotte. Non, parce qu'il n'était pas pensable non plus de me pogner toutes ces recherches sans vous placer quelques trucs à droite à gauche et puis juste pour vous montrer que j'avais bossé mon sujet, quoi, voilà. Et là, par contre, on commençait à avoir un niveau de filtre tellement élevé que la machine commence à défaillir et en présentant la compilation de ces recherches. Pour preuve, le premier résultat sur le web, c'est ça vient d'un site en ligne. Et les gars, ils te vendent un tapis à poils longs de 50 par 80 cm en poils de marmotte violine. Mais c'est cool parce qu'en dessous, tu peux aussi acheter le flacon d'après-shampoing pour nettoyer ta carpette. Donc voilà, je me suis dit, c'était sympa, ça va faire plaisir. Ça me fait d'une pierre deux coups. Puis, côté image, c'est pas mieux. La première photo qui sort, c'est celle d'un chiot de la race des bergers des Pyrénées. Tu sais, il a la mèche au vent, il a juste l'air d'avoir fumé une pipe de crack. Enfin, c'est génial. Mais mon questionnement, c'est les poils longs du tapis violine, c'est ceux du chien de berger ou ils ont été tapés après qu'on les rasait. Mais t'es un homme politique, toi, c'est un peu le s'il te plaît, tu fermes ta gueule, je suis invité, tu me laisses finir. D'accord. Non, t'es pas invité, t'es chroniqueur. T'es sociétaire. J'ai encore plus. Alors, écoutant mon courage et voyant le gros dossier qui se préparait, tu sais, j'ai fermé la page internet. Et je me suis dit, je suis revenu à ma marmotte et je me fais, bon allez, on va faire l'impasse sur les poils longs, la dite bestiole. Je me suis dit, on va se concentrer sur son habitat, la Caroline du milieu et tout, et là, on va décrocher un truc. Là, je suis sûr, on approche d'un brousouf, il n'y a pas moyen. Donc, je me suis dit, allez, la Caroline du milieu, et si vous êtes comme moi, vous vous êtes dit, ok, il y a la Caroline du Nord, il y a la Caroline du Sud, ça va être compris entre Raleigh et Columbia. Là, je peux pas vous en vouloir, franchement, vous faites preuve d'une culture, vous remontez dans mon estime, déjà beaucoup plus que moi, je me situe. Mais franchement, déjà, hein, ne serait-ce que pour le World Wide, c'est un petit peu trop, parce que la Caroline du milieu dont il est question, elle est remontée plus vite sous mes yeux que la bistouquette de Gandalf à l'évocation d'une corsette longue brassée par Nathalie Dormer. On voit donc à quel point la bête est difficile à localiser. La marmotte, hein, pas la bistouquette de Gandalf. Et malgré toutes mes longues recherches sur Pornhub, YouTube et Brazzers, au moins 3 minutes, hein, vous me connaissez, j'ai rien trouvé qui pouvait correspondre à une unité de lieu, comme on dit au théâtre. Et là, on arrive au mythe. Au final, je me suis dit, mais putain, si j'avais pas été une fois plus trop crédule, premier abord, tu sais, premier degré, trop au pied de la lettre, si j'avais pas lu ce tweet d'Azertov, ne serais-je pas donc face à un mythe, une chimère, une simple blague? Se serait-on joué de moi? Ne serais-je pas devenu le dernier membre en date de la fameuse team premier degré? Coucou Oasis, moi je t'aime bien. Salut Oasis! Ne pouvant me résoudre à cette découverte, je me lançais donc dans une ultime recherche sur des textes pouvant éventuellement laisser une évocation de cette fameuse marmotte, mais là non plus, aucune remontée significative pouvant lier tous ces mots ensemble. Ouais, il y avait bien une Caroline iturbide, se trémoussant au milieu d'une bande de guignols en prélude de ce que certains appellent une émission. Une Tilda Swinton, vous savez, la sorcière blanche du monde de Narnia, perdue au milieu des personnages classés comme albinos. Mais à ma grande surprise, aucune photo qui corresponde pourtant à une partie du texte que j'ai pu trouver titré du livre d'Enoch, comme quoi, hein, j'ai potassé mon sujet, je cite, « Quand l'enfant naquit, son corps était plus blanc que neige et plus rouge qu'une rose. » Toute sa chevelure était blanche, comme de blancs flocons, bouclée, splendide. Et là, j'attire votre attention sur l'indice clé de l'histoire. Sa chevelure était blanche, comme de blancs flocons, bouclée et splendide. Oui, je doute par ce silence que vous avez compris. Pas de trace de Michel Polnareff. Un véritable scandale, une injustice flagrante qui montre que bien que malgré 30 années se soient écoulées depuis son exil américain, la blessure n'est pas refermée pour cette star interplanétaire née ici dans ce fameux sud-ouest. L'omerta la plus totale au point d'en effacer toute allusion, même la plus subtile sur tout l'internet. Car oui, c'est à cet instant précis que j'ai compris ce qu'on attendait de moi par ce tweet. Une demande cachée pour investiguer et comprendre comment Michel Polnareff a pu tomber dans l'oubli et le mépris le plus insolent de la part de nos concitoyens. Arrivé à ce point, vous comprendrez aisément mon trouble, car lorsque la vérité d'un message vous apparaît, vous éclate au visage comme une faciale de Rocco Siffredi, il faut un temps pour l'assimiler, la digérer. Je parle de la vérité, hein, pas de panique et pas de, hein, et comprendre ses implications. Mais comme j'avais faim et que c'était l'heure du barbecue, bah, j'ai tout planté là et j'ai décidé que ce serait à quelqu'un d'autre de s'occuper de cette question. Maintenant que le sujet était clair, Restez juste à faire une vraie chronique dessus, et je laisse le soin à mes amis ici présents, car je ne doute pas qu'une telle ignominie ne pourra rester sous silence plus longtemps. Quand je vois les yeux larmoyants d'Asto, la haine poindre dans les prunelles de Gandalf et la désolation dans le regard d'Azertov. Alors je rigole. À moins que ce ne soit au final et pour toute l'assemblée ici présente que le reflet de la honte de se laisser à cet instant cette chronique et se tenir et la difficulté envisagée de ce qu'il va falloir faire pour pouvoir remonter le niveau. Mais ça m'aura pourtant bien fait marrer de l'écrire après tout et dans mon livre à moi, c'est tout ce qui compte. Ouais. Bah, je crois qu'on peut arrêter là-dessus. Parce que là, de toute façon, oui, on... Allez, une petite musique de 10 minutes. Non, c'est plus court, moi, ma musique. Comme l'habitat Gandalf. Plus court que Gandalf. Oui, ça c'est possible. Tiens, vous avez passé pour un mauvais amant. Putain, mon bâtard. Et bah déjà, faudrait que tu sois un amant. Alors du coup, on va lancer un Allemand, par contre, ça oui. La musique de... Zig, aïe. Donc c'était le jingle musique. J'ai adoré. T'es sûr qu'il y a eu le jingle? Ah bah je l'ai lancé, j'ai vu le compteur donc. Ah, j'ai adoré et c'est un jingle toujours autant de. Et maintenant on descend du train et on gonfle les pneus. Maintenant chantons. Voilà. Et du coup bah vu que j'ai fait pour une fois un truc thématique, et bah c'est une musique. Tiré de Avatar. Tiré de directement de la série, donc qui est téléchargeable sur avatarrims.fr dans la rubrique musique et qui s'appelle Soirée dans une cave. Soirée mintes de samet. On se dit au mois prochain. Ah bah là oui. Parce que là on n'en peut plus. Il faut faire une pause. Normalement on a fini tous les épisodes. À cette heure-là d'habitude, ouais. Et il nous reste encore un épisode, donc facile, une bonne heure et demie. Ouais. Donc on se dit au mois prochain. À la semaine prochaine.